Bonjour, bonjour, c'est bien Bulle de Rêve, ouais, avec un générique un peu particulier. Je suis assez content de moi. Ah, il faut de temps à autre, hein, c'est pour ça qu'on fait ces émissions de radio. Ce que vous venez d'entendre, c'est plein de cris de monstres. Voilà, il y avait, c'est bien, des choses comme Godzilla, ça dure 2 minutes 7, et il n'y a que des cris de monstres, les plus grands monstres des plus grands films kaiju japonais. Et moi, j'adore ça, donc c'est plutôt bien. Je suis plutôt content, en fait, d'avoir trouvé ça. Ça dure 2 minutes 7. Je l'ai déjà dit, je crois. Mais bon, j'aurais bien aimé. Je pense qu'on pourrait peut-être le faire plus souvent. Je me demande si ça va pas devenir mon générique fétiche. Vous allez l'entendre souvent comme ça. Alors, bonjour. Bulle de Rêve pour la 2e semaine de suite. C'est carrément la fête. 3 heures d'Alexis Uno. Vous allez avoir quasiment. Ouais, je sais, c'est un peu dur. Mais voilà, pour ceux qui veulent pas m'entendre. Puisque Francis Gavel, et je vous le dis de suite maintenant, vous restez évidemment derrière le poste de radio. Vous n'avez pas le droit de choisir. Je sais, je suis un peu vieux maintenant. Vous êtes tous derrière vos ordinateurs. C'est plutôt sur Internet. Mais c'est pas une raison, voilà. Puisque Francis Gavel, longtemps, je me suis couché de bonne heure ou je me suis levé tard. À chaque fois, je me plante. Mais en tout cas, c'est un truc. Voilà. Et il m'engueule. Il est déjà là, hein, Francis, évidemment. Nous parlerons animation encore. Puisque nous parlerons à la fois de la sortie donc d'Adama et de la sortie d'Avril. La sortie, Alexis, il faudrait que tu parles bien d'Avril et le monde truqué. Il faudrait que je parle un peu plus comme Francis Gavel avec cette voix comme ça un peu. Donc, et Avril et le monde truqué. Il est en face de moi, c'est difficile de ne pas lui parler. Il vient de casser tout la radio. Donc voilà, on parlera. Ça sera en plus un vrai beau débat. Je remercie Francis de m'inviter puisque on va parler avec des gens qui ne sont pas des critiques officielles, on va dire, du monde de l'animation. Et c'est toujours évidemment passionnant de pouvoir parler avec des gens et de mélanger un peu comme ça les soi-disant les spécialistes d'un style ou d'un autre. Voilà, donc ça c'est vraiment intéressant. Je voulais faire un petit édito, tout petit, vraiment ça va aller super vite. Après je vous présenterai mes nombreux invités que j'ai autour de la table. Un petit édito parce que je viens de faire une news sur mon site The Web Anime il y a pas longtemps sur la difficulté des deux sorties, celle d'Adama et celle de Phantom Boy qui venait de sortir, et je regrettais que le public n'aille pas en masse voir les films et que comme souvent malheureusement c'est Moon et bien sûr Hotel Transylvania 2 qui l'emporte. Et dans ce petit édito de ce petit article, je disais, il va falloir penser, et pourtant Dieu sait si on en reparlera, Adama n'est pas un gros budget, loin de là, mais peut-être avoir des budgets encore plus petits pour essayer de toucher moins de monde, enfin voilà, essayer d'avoir une plus grande diversité. Quelqu'un dont je ne citerai pas le nom, mais que j'aime beaucoup et qui est quelqu'un de très important aussi dans le monde de l'animation, m'a envoyé un petit message pour me dire non, ça commence à bien faire, on va pas non plus réduire encore les coûts indéfiniment et que maintenant c'est pas possible, il faut arrêter ce genre de choses. Alors, je suis pas d'accord. Je vais lui dire, et évidemment, il pourra me répondre. Je pense qu'il faut une diversité. Je ne parle pas, évidemment, je ne dis pas qu'il faut absolument que tous les coûts soient réduits. J'ai dit qu'il fallait de tout. C'est-à-dire qu'il faut qu'un film puisse coûter 500 000 euros et 200 millions d'euros. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une diversité qu'on n'a pas en animation et qu'on a, je parle en long métrage, et qu'on a en prise de vue, comme on appelle ça maintenant, prise de vue en réel continu. Enfin bon, tous ces termes maintenant, ça commence à devenir un peu compliqué. Mais c'est super important d'avoir, encore une fois, moi, quand je fais des conférences, et des conférences que je fais pour pas cher du tout, et des conférences que je fais pour très cher, enfin pour très cher pour moi. Ça veut pas dire que la conférence elle est moins bonne quand je la fais pour un peu moins cher, et je vois pas pourquoi l'animation ne pourrait pas aussi avoir des films qui coûtent beaucoup moins cher avec une autre animation. Adama nous le prouve, il y a plein de films, on va voir La Montagne Magique, Rolik nous l'a prouvé, Sébastien Lodenbach a fait quelque chose à Fontevraud récemment, nous le prouve aussi, et je pense qu'il y a des possibilités. Ça veut pas dire que tous les films doivent coûter 500 000 euros, qu'on doit pas payer les gens de l'anime et qu'ils doivent mourir de faim alors que les gens, la prise de vue réelle, eux s'en foutraient plein la panse. Non, c'est qu'en animation on a aussi des gens qui ont du mal, en animation, la prise de vue réelle, on a des gens qui ont du mal aussi à mettre les deux bouts, et il faut qu'en animation on éduque quelque part un public qui a pas l'habitude de l'animation, qui a pas l'habitude de scénario et d'histoire un peu plus pour adultes. Oui, il faut amener les gens dans les salles de cinéma, c'est encore difficile, c'est encore compliqué, je sais pas, faut absolument qu'on y arrive. C'est fondamental aussi bien pour le monde de l'animation, pour les nombreux étudiants qui sortent des écoles de l'animation, et tout simplement pour la créativité dans l'animation. Donc bien sûr, je veux pas que les gens en animation meurent de faim, c'est pas mon envie, d'abord parce que j'en fais un peu partie, donc tant qu'à faire j'ai aussi envie de manger un petit peu, mais surtout parce que, enfin voilà, je veux dire, oui, il faut pas rêver. Hotel Transylvania 2, enfin, marchera toujours plus, c'est pareil. Enfin, il y a un film qui s'appelle Star Wars qui arrive bientôt, même si à mon avis, il y a pas mal d'animations dedans. Il va plus cartonner, on le sait bien, c'est toujours comme ça. Alors, où on fait la révolution? Moi, je suis plutôt pour, on est dans une radio, on est plutôt dans cette envie de faire la révolution, donc allons-y. Mais dans ce cas-là, on la fait vraiment, et on va vraiment, et on y va jusqu'au bout. Ou alors, en tout cas, on peut pas aller entre les deux. Et je pense que là, il y a quelque chose vraiment à faire. Et oui, je maintiens à ce micro qu'il va falloir, pour que l'animation aille au-delà de ce qu'on connaît, eh ben, va devoir se battre énormément et on va devoir imposer des choses aux gens. Je ne suis pas pour les obligations, par exemple, de faire des quotas ou des choses comme ça, mais en tout cas, il va falloir réfléchir sur quelque chose. Voilà. Maintenant, je reprends mon ton normal, plus calme, et je vais présenter les gens qui sont autour de la table. Je vais présenter la première personne, puisqu'en fait, c'est à elle qu'on doit l'émission, c'est elle qui a invité tout le monde, sauf Rémi. Mais voilà, donc je vais la remercier, c'est la prochaine reine du monde de l'animation, l'impératrice. Donc je fais super attention à Clémence Bragard. Bonjour Clémence. Bonjour Alexis. Clémence qui là nous vient aujourd'hui parce qu'elle est coordinatrice de la fête de l'animation à l'AFCA. Mais on va le voir, son CV déjà, alors qu'elle a à peine 18 ans et demi, son CV est long comme pas possible. Elle va nous expliquer un petit peu tout ce qu'elle a fait dans le monde de l'anime. Et puis on va surtout parler un petit peu de la fête de l'animation qui fait partie, encore une fois, de ces manifestations qui vont permettre, ce que je disais, d'amener un peu l'animation vers un autre public. Alors ça fait, je crois, 3 fois au moins j'ai fait une interview d'elle, j'ai fait une rencontre avec elle. Et à chaque fois, je lui demande comment on prononce son nom. Séverine. La Tuilière, voilà. À chaque fois, je sais pas pourquoi, à chaque fois je me rappelle. Ça la Tuilière, ouais. Bon, Séverine Adama, allez, c'est ça. J'ai envie, donc productrice, elle vient de le dire, d'Adama. On parlera de la sortie d'Adama. On viendra un petit peu là dans les coulisses à la fois de la production d'un film. C'est un peu facile de dire un film atypique, mais qu'il est réellement. On a de temps à autre des choses extraordinaires de la part des Américains qui nous envient, hein, le long métrage, mais récemment un article sur Cartoon Brew, donc qui est l'organe du monde de l'animation américain, enfin le plus important. Il disait à quel point Adama était, enfin c'était plein de louanges justifiées pour Adama. Évidemment, ça c'est quelque chose dont ils rêvent, parce qu'ils ont du mal à faire des films long métrage un peu indépendants comme ça, donc c'est un peu un rêve. Donc on parlera avec Séverine d'Adama, et on parlera avec Émilie Fong. Bonjour Émilie. Salut. Émilie, on parlera avec elle de son parcours. Alors elle a fait vous verrez bien, je vous dirai tout à l'heure, je vais pas vous dire tout ça tout de suite. Pourquoi elle est là, Clémence, tu vas nous le dire. Alors pourquoi Émilie est là? Parce que c'est la lauréate d'un concours qu'on a organisé donc à l'AFCA en partenariat avec la BPI pour la fête du cinéma d'animation, un concours de clips animés et vidéos musicales. Et donc Émilie qui a réalisé le court-métrage du groupe George Sound qui s'appelle Monsieur Tout le Monde. Ben voilà, nous fait l'honneur de parler de son travail. Donc voilà, donc et Adama qui a été suivi par l'AFCA et notamment pendant la fête de l'animation, et Émilie sont là aussi. Ben merci à Clémence qui s'est occupée de tout ça pour venir. Et évidemment, ça aurait pu être l'émission parfaite. J'étais super bien entouré. Il a fallu qu'un garçon vienne s'immiscer à l'intérieur de ça. Je parle pas d'Ariel évidemment, mais il est derrière son truc, donc ça va. Rémi, bonjour. Le retour de Rémi qui était pas là depuis un bout de temps et qui va nous faire évidemment l'agenda. On va comme d'habitude après ce long passage. Commencer par une musique, comme toujours, un groupe qui s'appelle Across the Snow. On est dans un univers complètement différent. Vous allez voir que ce que même vous allez voir, je commence un peu à bégayer. Faut pas que... Calme-toi, parle doucement. Voilà. Est-ce que vous m'entendez comme ça? Et donc on va écouter Across the Snow et on revient juste après, d'ici 4-5 minutes. Ah, c'est le numéro 2, juste après Ariel, tout à fait. Merci beaucoup. Et oui, c'était donc Across the Snow, on commence doucement. Vous allez voir, on va un peu s'énerver à un moment donné, mais là on commence doucement, ça fait du bien. On était déjà en plein débat dans hors micro, c'est ça qui est intéressant. Moi j'aime bien cette émission en fait, et je me dis qu'on devrait vraiment passer aucune musique, mais c'est quand même agréable d'entendre la musique. Et en fait vous devriez entendre ce qui se passe hors, voilà, pendant qu'on entend notre musique, parce que je m'embête à choisir la musique. Il faut savoir un truc, les invités n'écoutent pas du tout les musiques que je mets, mais c'est pas grave, c'est fait exprès. Across the Snow, on va commencer avec la douce voix de Rémi, qui va nous faire son agenda de l'AFCA. Et il va quand même y avoir des choses, même si la fête de l'animation se finit dans quelques heures. On t'écoute. Un festival qui fait sa 9e édition, c'est le Festival du cinéma chinois de Paris, donc du 4 au 18 novembre. Il y a 3 films qu'il faut que vous voyez. Ce sera au cinéma Les 7 Parnassiens. Je ne sais plus en quel arrondissement c'est, mais ce n'est pas grave. C'est 14. Quelque chose. J'en ai 14e, ouais. 14e, 15e en tout cas. Rive gauche. Quelque chose comme ça. Il y aura Le Roi des Singes mercredi 11 novembre à 14h. Et alors deux films le samedi 14 à 14h encore. Zhu Beiji mange la pastèque et Le Fruit du Ginseng. Le premier est superbe. Le Festival Cinéson, j'ai pas épluché tout le programme, mais je sais qu'il y a quand même des tas de films comme Adama, Avril, Phantom Boy, Tout en haut du monde en avant-première. Donc allez voir, je pense qu'il y aura des ateliers d'animation. Il y en a tous les ans. Ouais, toujours des ateliers d'animation. Voilà, je... Course et Cours, ça c'est en paquet à Cabrières d'Avignon du 18 au 22 novembre. Il y aura deux invités d'honneur, dont une qui nous intéresse, c'est Florence Miaille. Il y aura 3 séances qui y seront dédiées. Une séance regard croisé avec Blandine Lenoir, l'autre invité d'honneur. Je ne sais pas du tout ce qu'elle fait, mais apparemment c'est pas de l'animation. Ce sera le samedi 21 à 19h, une carte blanche pour Florence le dimanche 22 à 13h, et une séance qui présente ses films le même jour à 16h45. C'est bien tout ce qui se fait avec Florence Miaille. Si on pouvait lui donner un peu d'argent pour qu'elle fasse son long métrage, ce sera encore mieux. Exactement. Et il y aura aussi une séance de cours animé le 21 à 16h15, suivi d'un débat et une autre sans le débat. Apparemment, c'est la même le 22 à 15h, avec des films comme Somnambulo de Théodore Ruchef, Autoportrait de Claude Coutet, Repas dominical de Céline Deveau, etc., etc. Le 23e Festival international séquence court-métrage, c'est dans le Midi-Pyrénées à Toulouse, du 18 au 22 novembre. J'ai noté une séance documentaire animée le 21 à 18h30 au cinéma ABC, avec un atelier jeune public sur les bruitages, les ambiances, les dialogues, etc. Je crois que c'est Tristan Foncia qui l'anime. Dans les événements, une expo, je ne sais même pas si j'en ai déjà parlé, ça fait un moment que je ne suis pas venu. La prochaine expo du musée Art Ludique, ce sera sur l'art dans le jeu vidéo, l'inspiration française. Tu t'avais même vu de rire en disant, après Pixar, man, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ah oui, je ne savais pas ce qu'ils allaient faire. Je retiens mieux ce que tu dis que toi, c'est un peu inquiétant. Hein. Oui. T'es jeune encore. Mais j'ai bu entre temps. C'est vrai, donc c'est triste. Ça a commencé, ce sera jusqu'au 6 mars. Et je le rendais encore, c'est un peu cher, mais des fois ça vaut le coup. C'est alors, cher, ouais. C'est 15 euros la c'est place. 15 euros. 8 euros sur vente privée si vous avez fait en trouver. Wow. j'ai une info, je ne sais pas si je vais avoir beaucoup de détails. Ce sera au cinéma L'Eden le 4 novembre à 15h. Il y aura une projection de Pat et Matt suivie d'un atelier. J'ai aucun détail là-dessus, mais il y en aura dans les prochains jours. Cinéma L'Eden. Continue. Aux Ursulines, toujours le 4, il y aura une projection d'Avril et le Monde Truqué. C'est le jour de la sortie officielle, mais là, ce sera avec l'équipe du film. Donc, allez le voir, c'est quand même mieux. Une soirée Fantoche, Fondation Suisse. Si vous avez raté le festival Fantoche. Je croyais que c'était Fantoche, le personnage d'Emile Cool, et je me disais une soirée complète. Oui. Je trouvais ça vraiment super étrange. On va en reparler de Fantoche en plus. Je comprends, oui, ok. Donc, ça sera une reprise des 9 courts-métrages primés pendant le festival le 4 novembre. À 20h30. Vous avez plein de trucs le 4 novembre, ça va être compliqué de choisir. C'est l'anniversaire de quelqu'un, peut-être. Oui. Je sais pas. Depuis Shadok, rien de nouveau. Bon, c'est une question qui est posée vers une table ronde sur l'animation de création à télévision le 9 novembre à 19h à la Bibliothèque nationale de France. Pourvu qu'ils en sortent quelque chose et que ce ne soit pas une espèce de débat ridicule. Faites un effort, s'il vous plaît. On espère. Et toujours. Parce qu'il y a du beau monde en plus. Il y a Tour de Minuit, Sacrebleu, il y a Canal Plus, il y a France Télévisions. Donc c'est juste pour nous dire oui, c'est vraiment triste, on n'arrive pas à faire des choses bien. Aucun intérêt, quoi. Je serai dans la salle. Et tu poseras des tas de questions comme d'habitude. Bah, tu on s'est ennuyé à Fontevraud, t'étais pas là pour poser des tas de questions cette année. Alors toujours avec les Shadocks, il y a une exposition chez les libraires associés. Vous pouvez acheter des cellulos, des cellulos originaux, c'est quand même bien. C'est déjà commencé depuis le 8 octobre et c'est jusqu'à Noël. Jusqu'à veille de Noël, en fait, le 24. Et c'est génial. Et c'est dans le 18e. Vous ne foutez pas dans le micro, Clémentine. Autant pour moi. Non, c'est vraiment une expo qui est vraiment très riche. C'est rempli d'originaux de la série. Et c'est vrai que ce n'est pas tous les jours qu'on peut voir compiler au même endroit de telles œuvres. Même si c'est des œuvres de recherche et que ce n'est pas du rendu final. Mais c'est super. Ok, donc à ne pas louper. Oui. Chez Cyclic, qui m'a envoyé deux trucs, un ciné goûté le 18 novembre à 14h30 au Centre culturel de Roth de Vendôme. J'ai pas le détail exact des films, mais c'est un programme de cours. Ça sera diffusé le 29 novembre sur le site de Mon Doubleau. Voilà. Et un programme Changer le Monde le 24 à 20h30 à Cyclic Animation. C'est pareil, j'ai pas le programme sous les yeux. Mais c'est pas grave, vous trouvez tout ça sur le site de AFK. Je rappelle que l'agenda est en ligne maintenant, si vous voulez lire. Fantoche, on en reparle, un spectacle. Il y a plein de news maintenant, si vous le regardez. Sur le site de l'AFK, ils ont complètement changé. L'AFK devient moderne. Faut dire que c'était pas dur par rapport au site qu'il y avait avant, c'est plus moderne. Moi, je dis rien, c'est toi qui l'as dit, là. Oh, bah, je m'en fous, je peux le dire. Je parlais de Fantoche tout à l'heure, un spectacle Fantoche. J'ai pas tous les détails non plus, mais ça sera bientôt en ligne. Le 27 novembre, au théâtre Rudebeuf à Clichy-la-Garenne. Donc ça sera mis en scène par Annie Dissot avec la compagnie Soprano Film et ça rendra évidemment hommage à Émile Cole. Dans les ateliers formation, validation des acquis de l'expérience, si vous êtes scénariste, que vous avez bien bossé, faites-le, c'est une sorte de diplôme. Donc vous contactez le CEEA, il y aura une réunion d'information le 4 novembre à 18h30. Mais si vous êtes scénariste, a priori, vous devriez déjà le savoir tout ça. C'est jamais, c'est toujours bien. C'est pour ça qu'on sert à quelque chose, ça me fait plaisir. Deux stages à équiper, McLaren dans ma tablette, ça va être un stage avec l'appli McLaren. Je regrette toujours qu'elle ne soit pas sur les tablettes Android et Windows, mais ça va peut-être venir. C'est pour les adultes, les 5, 12 et 19 novembre. Et les âges. C'est pour les adultes, 5, 10, 12, 19, je voudrais ça pas mal. Et si vous avez 18, démerdez-vous. Ouais, je trouvais ça intéressant, on change les dates, les âges des adultes. J'aime bien. Et un autre atelier d'animation autour du selfie, je sais pas quelle forme ça va prendre, mais ça peut être intéressant, qui s'appelle Ego Portrait. Alors là, c'est de 16 à 18 ans. Donc et ouais, les 21, 22 et 23. Ça va être grand déjà. Oh, on peut peut-être faire des trucs sympas. Mm-hmm. On va pas... Un stage pour les auteurs graphiques et auteurs littéraires du 14 au 18. J'ai pas lu l'article, je dois l'avouer. Non, passe. On n'a pas le temps là, vas-y. Voilà. On a plein d'invités finalement. Et j'en parle plus de temps en temps. Un stage BD et BD animé, voilà, au CEA. Vous m'avez déjà entendu en parler, mais c'est oui, pas important. Oui. Voilà. Kiwi sur Arte à partir du 9 novembre. Et les sorties ciné. Alors, Avril et mon truc, évidemment, le 4 novembre. Le 18, on commence avec les sorties de Noël, avec L'hiver féerique, un film américano-russo-sud-coréen. Oh, c'est cool. Je veux dire qu'il est très bien, ce film. Attends, vas-y, continue, pardon. J'ai besoin de l'autre feuille encore. Non, tu vas pas annoncer ça non plus. Bon, c'est cool. D'accord, je sais pas ce que c'est. Mais tu veux vraiment l'annoncer? Ah non, d'accord, c'est une Disney Pixar, on passe. Donc voilà, le 26 novembre, il y a Le Voyage d'Arlo de Peterson, Disney Pixar. Voilà. Et si la catastrophe cataclysmique qui a bouleversé la Terre a prouvé que l'incendie de dinosaures n'avait jamais eu lieu, et si les dinosaures... Voilà, c'est avec des dinosaures. Puis Pixar, c'est le studio qui est fait pour les gens de la prise de vue réelle qui connaissent pas bien l'animation et qui font ils sont vraiment trop bien les scénarios de Pixar. Ça fait des années que c'est plus bon les scénarios de Pixar. Vas-y, pardon. Et toujours dans Noël, Neige et Herbe Magique d'Antoine Lancio, Sophie Rose et Benoît Chieux, et ensuite une surprise de Noël de Shell White. Oh. Et pour Arte, alors là ils font plein de choses ce mois-ci, dans court-circuit évidemment, vendredi 6 novembre à minuit 15, c'est un spécial trash avec Tranche de campagne de Anna Le Taïf, Dans la joie et la bonne humeur de Jeanne Boucra, puis aux faces de Dietmar Schuch, je crois que ça se prononce comme ça. Le 13, c'est Tombé du nid de Loïc Elfsluch, Le vin Beachfly de Sarah Sedan. C'est fini pour la télé. Si vous ne savez pas ce qu'est Dragon Slayer, c'est à la base c'est un jeu vidéo avec de très très belles animations de Don Bluth. Et c'est aussi un jeu vidéo qui a la particularité d'être un des plus horribles auxquels j'ai jamais joué, parce qu'il est complètement infinissable. Mais heureusement, Dan Bluth va peut-être l'adapter en film, vous pouvez participer au Kickstarter. Vous rendez compte quand même que Dan Bluth, dans quel monde on est, où Dan Bluth, le mec qui a fait Five-Eul, qui a fait Petit Dinosaure, qui est pas un type intéressant, hein, je dis pas, il fait un Kickstarter pour faire un pilote, pour peut-être aller voir une grosse major pour leur dire, ça vaut peut-être le coup quand même. Et évidemment, il va se récupérer plein de thunes parce que c'est Dan Bluth, et il y a tous les ex-étudiants des Gobelins qui vont donner 2 euros, il y a tous les autres qui vont donner, enfin, ça va forcément donner. Et ce qui fait que vraiment les indépendants qui ont besoin de Kickstarter, et bien évidemment, ça va pas fonctionner. Enfin, c'est n'importe quoi. Un jour, on fera un truc sur le crowdfunding parce que ça m'énerve. Mais c'est pas ce qui a été fait par Nick Park pour son dernier projet de long métrage aussi. Il a bien lancé un Kickstarter. C'est pour la série. Il y a eu la série d'Arman. N'importe quoi. La série d'Arman s'est lancée comme ça. Voilà. Et l'autre abruti, là, comment il s'appelle, David Fincher, je crois, a lancé quelque chose aussi là-dessus. En plus, sur l'animation à chaque fois. Enfin, c'est vraiment des trucs parce que les grosses boîtes veulent pas se lancer là-dedans. Ah non, c'est jamais. C'est un peu. C'est très agaçant. Il y a même la série Adventure Time sur Cartoon Network qui avait d'autres projets un peu parallèles et qui, de la même manière, a lancé un appel à... J'en ai parlé ici, on en avait parlé, je crois aussi. Minuscule, le second film, a lancé un crowdfunding juste pour une scène, pour que la scène, elle pète bien. Pardon, allons-y, finissons. Enfin, c'est quand même bien pour une raison, on saura au moins comment finit Dragon's Lair, vu que personne ne peut finir ce jeu. Eh ben, c'est bien comme ça. C'est pas mal. Un livre que j'ai sous les yeux, c'est... Dédicacé, c'est pour ça que j'ai le cité. Scratch, Crack et Pop, il est enfin sorti en français, c'est le livre de Stephen Wolchen, pour vous apprendre une méthode simple et conviviale pour réaliser des films sans caméra, avec une très bonne préface ou avant-propos de Marco de Blois. Donc achetez-le, il coûte 60 euros canadiens, ce qui fait à peu près 40 euros. Sincèrement, on a vu beaucoup de bouquins... Comme ça, c'est l'un des meilleurs bouquins moi, que je connaisse, qui soit simple. Stephen Wolchen parle de tous ces films que vous avez à la fin en DVD. Il explique pour chaque film comment il a travaillé. C'est un bonheur. Stephen Wolchen est un bonheur à entendre. On n'a pas pu se croiser, malheureusement. J'aurais bien voulu proposer une interview, mais ça a été impossible pour moi. Mais c'est un bonheur, ce bouquin. Vraiment, c'est simple. C'est, comme l'a dit Rémi, c'est ludique, c'est drôle. Enfin, voilà, et il y a même deux petits bouts de pellicule pour essayer, si vous en avez pas chez vous. C'est génial. De toute façon, la pellicule, ça se trouve. Et je finis avec une info, mais c'est Clémence qui va en parler. Est-ce que tu vois de laquelle je parle? Je te laisse le plaisir. Je ne pensais pas l'annoncer un jour, et là je suis content. Parce... Vous allez vous marier. Non. Là c'était énorme. Moi je vous laisse l'émission après, si vous... Rémi Dragard, on change maintenant. C'était énorme. Merci, on va passer à la musique. Non, vas-y. Matin calme. C'est le thème du nouveau défilé fou. Vous avez jusqu'au 20 novembre. C'est une boucle de 5 secondes. Faites-le. D'accord. Faites-le. Wouhou. Et vous pouvez même en faire plusieurs. Et pourquoi c'était parce que vous avez travaillé ensemble? Non, c'était un truc où leur personne croyait que défilé fou. Parce que c'est Clémence qui a lancé le thème. Oui, bah, pas de manière complètement mais c'est quand même grâce à toi que le défilé fou a ressuscité. Non, mais disons pour être rapide que on avait cette petite interrogation de la pérennité de ce concours parce que on sait que Foodanim a cessé son activité au niveau de son forum et de son site web et que c'était eux les initiateurs de ces défis des fous. Ça fait 22 éditions maintenant et c'est vrai que bon, en toute bonne entêté qui se respecte, j'avais pas envie que ça tombe à l'eau, donc l'AFCA reprend l'organisation du Défi des Fous, toujours en partenariat avec Foodanim et puis en partenariat avec une boîte de prod qui est pas du tout dans l'animation, mais pour autant qui a parmi ses membres Jean-Jacques Lony, qui a travaillé sur Couleur de Pommiel en tant que directeur artistique et qui est quelqu'un qui est très sensible au cinéma d'animation et du coup ben voilà, on lance cette nouvelle édition de Défi des Fous en voyant ce que ça donnera, sachant que on verra ce que ça donnera au Festival de Bruges, puisque c'est à ce moment-là qu'on va projeter les boucles. Le Défi des Fous avait fait un véritable carton lors de la dernière édition. Il y avait eu vraiment plein de participants. Foncez, notamment les étudiants. C'est vraiment un exercice qui est parfait. Vous avez une deadline, vous n'avez pas beaucoup de temps à le faire. On parlera tout à l'heure un tout petit peu avec Émilie, notamment des exercices qui sont faits à l'MK. Et c'est vrai que c'est toujours un bonheur d'avoir un thème, d'avoir quelques jours et de se dire allez, maintenant je fonce et on voit. Et amusez-vous avec Matin Calme. Hein. Vous n'êtes pas obligé de nous faire qui correspond évidemment au pays, le Matin Calme. Amusez-vous un petit peu, détournez ça, enfin voilà, jouez avec ça, mais faites-le. Allez, une toute petite coupure musicale avant d'enchaîner sur le lourd. C'était pas terrible comme enchaînement, Alexis. On pourrait la refaire, on pourrait revenir un petit peu. Oui, donc en fait, donc là, une petite coup de musique avant de pouvoir partir avec tous mes invités. On a plein de choses à se dire. On va faire oh comme c'est original. Oui, parce que je suis un homme très original. On va passer la musique et juste après la 3. Et putain, j'ai même pas besoin de vous dire ce que c'est. Si vous êtes un peu fan d'animation, évidemment, vous allez reconnaître. C'est parti, Ariel. You like to see something strange? Come with us and you will see. This our town of Halloween. This is Halloween. This is Halloween. Pumpkins scream in the dead of night. This is Halloween. Everybody make a scene. Trick or treat. Tell the neighbors on the diaphragm. It's our town. Everybody's free. This town of Halloween. I am the one hiding under your bed. Teeth ground sharp and eyes glowing red. I am the one hiding under your stairs. Fingers like snakes and spiders in my hair. This is Halloween, this is Halloween. Halloween, Halloween, Halloween, Halloween. In this town we call home, everyone hail to the pumpkin song. In this town, don't we love it now? Everybody's waiting for the next surprise. Round that corner and hiding in the trash can. Something's waiting now to pounce and how you'll scream. This is Halloween. Red and black. It's slightly green. Aren't you scared? Well, that's just fine. Say it once, say it twice. Take a chance and roll the dice. Ride with the moon in the dead of night. Everybody scream. Everybody scream. In our town of Halloween. I am the clown with the tearaway face. Here in a flash and bubble the trace. I am the who in the cold who's there. A shadow on the moon at night, filling your dreams to the brim with fright. This is Halloween, this is Halloween. Halloween, Halloween, Halloween, Halloween. Halloween, Halloween. Tiddle-umblings everywhere. Life's no fun without a good scare. That's our job, but we're not mean. In our town of Halloween. In this town, we love it now. Everyone's waiting for the next surprise. Skeleton Jack might catch you in the back and scream like a banshee, make you jump out of your skin. This is Halloween. Everybody scream. Won't you please make way for a very special guy? Walnut Jack is king of the pumpkin patch. Everyone hail to the pumpkin king. Now this is Halloween. This is Halloween. Halloween, Halloween, Halloween, Halloween. In this town we call home, everyone hail to the pumpkin song. C'est vrai, parce que tu peux rester avec nous, Francis. Hein. Oui, je sais, je suis en ligne, c'est fait exprès. Ouais, je suis en ligne. Bulle de rêve, bien sûr. On parlait avec Francis Cavel de plein de choses et tout. Et puis voilà, des Césars, des Oscars. Comment on vote? Enfin, un jour, quand j'en aurai marre et quand j'aurai quitté ce milieu, tous les milieux, quand j'irai seul sur Mars, je sais pas pourquoi. Et ben en fait, je vous dirai tout. Ok, en attendant, je garde mon boulot. Donc, en attendant, vous venez d'écouter This is Halloween, bien sûr, parce que c'est Halloween aujourd'hui. Et oui, même si vous savez pas, c'est Halloween, c'est comme ça. J'ai vu plein de gens se déguiser et tout. Et donc, bien sûr, musique de Danny Elfman avec plein de gens super intéressants dans la BO, puisqu'en plus... Tim Burton, qui évidemment n'est pas le réalisateur du film, hein. Je piège toujours mes étudiants en disant « L'étrange de la Nouvelle Enfant, c'est Tim Burton !» Bien sûr que non, mon abruti, ça me permet de montrer que c'est moi le type intelligent. C'est évidemment Henry Selick qui a aussi réalisé Coraline, James la Pêche Géante. C'est pas un animateur volume, Tim Burton. C'est un peu animé en truc, et encore, on sait pas trop. Mais voilà, après, il a un super univers, mais voilà. Et Danny Elfman. Clémence ? Oui, Alexis. Est-ce que tout commence avec Annecy ? Tu viens d'Annecy, c'est ça ? Je viens d'Annecy, je suis née à Annecy. Et donc t'es tombée toute petite dans le festival ? Complètement, Vraiment? En fait, je la fais rapide, hein, mais c'est vrai que ma maman travaillant à Bonlieu pendant plus de 15 ans. Donc Bonlieu, c'est l'endroit, hein, c'est le centre où. C'est le berceau. Ouais. C'est le berceau et du festival, et du coup, par la même occasion, le mien. Parce que c'est pas évident quand on vint à Annecy, alors. Encore plus maintenant, hein, quand on était toute jeune, c'était il n'y a pas longtemps, mais quand même, c'était un peu différent. Mais c'est vrai qu'on a une impression de. C'est tellement un gros festival, il y a un peu. Alors, on n'est pas à Cannes, hein. Cannes, c'est terrible, il n'y a plus aucun habitant, c'est que des gens avec leur badge et des trucs comme ça. Il y a un peu de ça à Annecy maintenant, et on a l'impression que les gens d'Annecy, même si je rencontre pas mal de gens qui me disent oh, j'ai découvert l'animation, je suis devenu réalisateur grâce à ça, etc. On a l'impression que les gens d'Annecy sont un peu en dehors du festival. Et toi, non? Alors, non, bon, je crois qu'on en avait déjà un petit peu discuté, c'est vrai que ça a quand même. Beaucoup évolué, ne serait-ce qu'en 10-15 ans, et que clairement le public local était beaucoup plus investi et avait la possibilité de se permettre d'être curieux par rapport aux films d'animation à l'occasion du festival, parce qu'il y avait de la place en salle, ce qui n'y a plus, même pour les festivaliers aujourd'hui. Donc oui, j'ai eu cette chance-là et ce que je n'ai pas lâché en fait, puisque c'est vrai que après c'est comme tout, comment dire, toute drogue en fait. Plus on en prend et puis plus on en veut. Et pour l'instant, il n'y a pas encore de burn-out. Ouais, parce que plein de choses. Hein. Donc là, on va parler évidemment. Tu travailles beaucoup à Annecy, donc ça voilà. Ottawa, pour le festival d'Ottawa. Pourquoi Ottawa? Ça c'est venu comment? Alors, en fait, c'est venu de la fin de mes études, donc parce que j'ai fait un master à l'INASUP, donc aux Archives nationales de la télé et de la radio française, qui par ailleurs organise cette prochaine conférence autour des Shadok, parce que c'est tous les premiers lundis du mois. Et donc j'ai fait un stage de fin d'études à la vidéothèque du festival d'Annecy. Où je m'occupais de numériser en fait tous les films qui étaient en sélection et j'ai initié un peu une réflexion sur leur politique d'archivage. Si vous êtes intéressé par le sujet, mon mémoire existe, hein, donc voilà. C'est l'archivage les archives d'Annecy, ça, du festival. Du festival, vraiment. Donc, c'est-à-dire tous les films et toutes les copies dont ils sont. Gardien, mais ni dépositaire légal, ni propriétaire. Donc voilà, toute la réflexion elle portait sur pourquoi on conserve, dans quel à quel but, et j'ai voulu comparer ça à un autre festival en restant dans le même genre, donc un autre festival de cinéma d'animation. Il s'est trouvé que par la force des choses ou par les hasards, c'était Ottawa, qui est quand même le deuxième plus gros festival en termes d'affluence après Annecy, et qui a aussi 40 ans là l'année prochaine. Donc c'est vrai qu'ils ont aussi une collection gigantesque de films qui sont tout autres, puisque eux, pour le coup, ils ont toutes les écoles, notamment nord-américaines, d'animation qui participent, qui sont en compétition, qui sont très présentes. Donc c'est vraiment deux patrimoines très complémentaires et en même temps qui pourraient se répondre, qui se répondent pas parce qu'il n'y a personne qui prend en charge ce côté-là, mais bon, ça c'est une autre question. Voilà. Ça pourrait faire toute une émission. Hein. C'est drôle, j'en parlerai avec Émilie tout à l'heure quand j'ai regardé. Je l'ai devant moi. Hein. C'est ça qui est bien aujourd'hui quand les gens arrivent, c'est super facile en fait. Puis vous regardiez le LinkedIn de Clémence Bracari, vous avez tout un truc comme ça. Et en fait, j'ai eu l'impression un peu comme sur le Vimeo d'Émilie, on en parlera. Il y a plein de choses, ça part dans plein de sens. Dans plein de sens, c'est plutôt bien. Il y a une espèce de profusion. Et en fait, on ne sait pas trop, parce que comme tu dis, tu es documentaliste, tu as été assistante de prod, tu as travaillé dans des festivals, on va en parler un tout petit peu, il y a les femmes s'animent, enfin, il y a plein de choses. Est-ce que c'est important de tout toucher avant peut-être de s'arrêter sur un truc ou non, il y a vraiment l'idée de se dire, ce qu'on me propose, d'un seul coup, je vais là, et puis j'en branche là-dessus, puis j'en branche, et on verra bien où ça m'amène après. Alors, je ne pense pas qu'on peut dire que c'est important de toucher à plein de choses, c'est vraiment une question d'envie. Après, c'est peut-être un travers aussi d'avoir envie d'aller dans tous les sens et de pas vraiment pousser dans une seule direction. C'est vrai que je trouve que dans le secteur de l'animation et même plus largement dans l'audiovisuel, puisque j'ai commencé par l'audiovisuel pour ensuite me spécialiser en animation, mais quand on n'est pas dans la partie création, enfin, créative, c'est difficile de trouver son métier, je trouve, et de trouver sa position. Moi, je suis juste partie d'un constat, c'est que j'aime le support audiovisuel, j'aime encore plus l'animation, et donc l'idée, ça a été de faire plein de boulot pour voir à quel endroit est-ce que mon rôle peut être pertinent, à quel endroit il y a des besoins, quels qu'ils soient, hein, la production, pas plus que la documentation, pas plus que l'archivage, pas plus que l'organisation événementielle, c'est vraiment juste essayer de faire vivre le secteur, en fait, voir où sont les manques et voilà. Alors, puisqu'on t'a ici, j'en profite au moins pour une dernière question sur ton parcours. T'as fait les Gobelins en production. Oui. C'est quoi ? Je suis persuadé que plein de gens, évidemment, quand on dit les Gobelins, c'est avant tout l'animation. C'est quoi ce secteur, cette formation production aux Gobelins ? Ouais, donc c'est vrai que cette formation, c'est drôle parce qu'en même temps, c'est un peu le parent pauvre de cette formation adulée qui est concepteur et réalisateur de films d'animation aux Gobelins. Mais pour autant, c'est la seule formation en France et même, j'ai pas envie de dire dans le monde, mais il y en a très très peu qui forment des étudiants. Bon, il y a une partie de l'année focalisée sur la prise de vue réelle, puisqu'il y a des personnes qui sont intéressées dans cette formation par ça, mais toute l'autre moitié de l'année, puisque c'est en un an, se cible sur la production d'animation, qui est vraiment très particulier à mon sens. Moi, je suis incapable de faire de la production prise de vue réelle. C'est vrai que ça amène à donner des clés sur des recherches de financement propres à l'animation, sur la gestion d'un planning, sur la gestion d'un budget, sur la recherche de gens compétents pour monter des projets en animation, que ce soit des petits courts-métrages dans des petites boîtes indépendantes ou faire partie d'une énorme machine. Il y a des personnes qui ont fait ma formation qui bossent chez MacGuff et d'autres personnes qui bossent chez Sacrebleu. Donc je veux dire, c'est... Voilà. Donc en tout cas pour les gens qui sont intéressés par la production d'animation, c'est vraiment une formation que tu... Faut pas passer à côté. Ouais. Et je trouve que c'est même frustrant que tout cet enseignement qui, de mon point de vue, est essentiel aussi pour les auteurs, soit pas... Enfin, je sais que c'est compliqué parce que les programmes sont trop denses, moi j'ai l'envie de tout ce que j'ai appris de donner les clés en fait aux auteurs, parce que c'est vrai que c'est des choses qui sont qui tombent sous le sens une fois qu'on les connaît, de faire de la recherche de financement. En fait, c'est juste devant nous toutes les réponses, mais après il faut faut être en mesure d'aller les chercher. Séverine, est-ce que justement pour rebondir sur ça, cette idée de production, on sait qu'Adama encore une fois est un budget qui n'est pas énorme pour le monde de l'animation, qui reste un beau budget pour un film on va dire indépendant, ça c'est quelque chose en effet, la recherche, est-ce que c'est compliqué de rechercher aujourd'hui de l'argent pour faire un long métrage d'animation? Non. Bien sûr que non. Enfin Alexis. Alors, je rebondis sur ce qu'a dit Clément. Je trouve ça effectivement très très intéressant, parce que moi j'ai pas du tout une formation de productrice, sachant que sur Adama je suis quand même beaucoup plus la productrice artistique du film, et Philippe Aigle, qui est donc mon associé dans Naya, beaucoup plus celui qui a cette partie, on va dire, en charge d'aller chercher les financements, d'aller convaincre des gens pour nous accompagner, aller voir privé, public, comment ça gère, qui, quoi, etc. Et que c'est un gros réseau à construire et que ça met du temps, etc. Après, je pense que ce qu'a dit Clément, ce qui est vachement intéressant, c'est de faire rentrer les auteurs et les créatifs et les artistes dans ces discussions-là aussi. Et c'est vrai que... on révolutionne rien avec Naya, mais en tout cas, depuis le début vraiment de la création de la société, c'était fondamental pour nous que quelqu'un comme Simon Roubi, donc réalisateur du film Adama, et Julien Litti, scénariste, participe avec nous en toute transparence à comment on allait financer ce film, comment on allait le produire, comment on allait le monter, comment on allait l'organiser, et que si tout ça avait pas été fait avec eux, un, c'est évident qu'on n'aurait jamais réussi à le faire, et deux, à un moment donné, c'est comme ça aussi que tu as une cohésion entre ta production et ton objet final. Je dis pas produit, même si on est quand même dans une industrie et que ça en reste un, aussi indépendant que soit Adama, ça reste quand même un produit qu'on a mis sur le marché, parce que 4 millions par rapport à ce que gagne chaque personne en France, c'est évidemment colossal et énormément d'argent, dont son argent aussi, puisqu'une grande partie d'argent public. Et ce que dit Clément, c'est fondamental. Je pense que au mieux, les artistes et les créatifs et au plus ils s'intéresseront à ça, ils rentreront dans ces détails-là. Au mieux aussi, et ça veut pas dire, c'est une discussion qu'on a eue avec Simon là sur Skype qui est à Dakar en ce moment. Il y a deux jours, on a fait zéro concession dans Adama. Donc ça veut pas dire que d'un seul coup on va dire au réalisateur, bon maintenant je veux un truc commercial, vas-y change-moi la fin, remets-moi le début, là faut que ça rigole, là faut que ça saute partout, etc. C'est pas le sujet. On peut être sans concession et en même temps tous être conscients de comment on fabrique et comment au mieux on va faire les choses avec, comment on va dispatcher l'argent, redistribuer l'argent aussi si le film gagne de l'argent, et que voilà, on est dans une industrie un peu lourde quand même, parce que 4 millions d'euros, et en même temps on peut aussi fonctionner avec une éthique, avec un échange et avec une politique de partage et j'aimerais dire de fraternité. Émilie, est-ce que toi, en tant que créatrice, t'as fait le DMA de Sainte-Geneviève, t'as fait l'MK, t'as fait les Gobelins, maintenant t'es sur la troisième collection en sortant de l'école. Est-ce que ça, c'est quelque chose dont on t'a parlé pendant tes études, la production, l'idée de dire, bah voilà comment ça va se passer, voilà. Ou alors t'as l'impression que c'est quelque chose qu'on évite quelque part presque. C'est vrai que je n'avais absolument pas entendu en fait pendant. Genre sur mon cursus de 5 ans, j'en ai un peu entendu pendant 4 ans. À l'MK, on en avait. Ouais, c'est plus les élèves entre eux qui en discutent peut-être. Ou alors c'est quand on se renseigne, voilà, quand on a des intervenants parfois de temps en temps qui nous en parlent, mais en privé, alors c'est pas du tout l'objet du cours. J'en ai plus entendu quand j'étais au Gobelin, peut-être parce qu'ils ont un côté plus professionnalisant, ils sont. Voilà, il y a plus un réseau d'anciens qui est vraiment très conséquent. Du coup, toutes ces problématiques, justement, on en entend pas mal parler. Alors, c'est plus au niveau du coup des plus du régime, enfin salarial, enfin plutôt des animateurs, quoi. Donc, c'est pas tellement encore la production non plus. Mais c'est vrai qu'il y a aussi un peu les contacts. Quand même, on travaille avec la section LGPA. La section donc production. Oui, hein, c'est ça dont parlait Clémence. Et donc du coup, voilà, on a quand même des retours là-dessus. Mais c'est vrai que c'est plus, enfin, c'est pas tellement quelque chose qu'on aborde entièrement dans le cursus, quoi. Donc ça serait vraiment intéressant, Séverine, un petit... Ouais, moi je peux juste ajouter que je pense qu'aujourd'hui, vu le monde aussi dans lequel on est, c'est fondamental d'en connaître les clés. Et on peut être le plus grand artiste, enfin voilà, je pense que moi, les artistes avec qui j'ai travaillé, dont Simon Roubi en premier, un artiste extraordinaire, et en même temps être conscient, et en même temps savoir... comment les choses vont s'organiser, comment les choses vont se faire et quels sont les enjeux à chaque étape, des choses à fabriquer pour cette étape-là, parce que c'est une étape pour vendre le projet, même si c'est pas totalement le budget total. Comment et je pense que ça, on peut plus aujourd'hui faire juste son geste créatif comme ça dans sa cave ou dans son grenier en disant non, moi je ne m'occupe pas d'argent. Enfin, je veux dire, c'est pas sale. Et en même temps, ça permet de fabriquer les films. Donc à un moment donné, je pense que c'est aussi important de réfléchir aussi avec la production. De se dire, ok, bon, bah, ça, on va pas pouvoir le faire. Comment on peut contourner aussi le sujet et aller chercher de l'argent autrement? Parce qu'en l'ayant contourné, on ouvre une autre porte. Et ça, c'est des fois les artistes qui vont donner les idées à la prod. Et c'est pour ça que je pense que, au mieux, la chose est cohérente du début à la fin, hein, au mieux c'est fait, quoi. Et humainement encore plus, parce que c'est vrai que l'argent est toujours un sujet de toute manière compliqué, quel que soit le domaine et l'activité, hein. Et de discuter de cette chose-là, chacun a un rapport presque j'allais dire psychologique avec l'argent, hein. Et donc je pense que c'est vachement important, ouais, que les artistes soient intégrés à ces discussions et connaissent le fonctionnement des choses et tombent, enfin moi c'est vrai que le nombre de gens que j'ai vu dans mon bureau me dire ah bah ouais bah non bah finalement on a eu l'aide du CNC mais la prod est partie avec. So what, quoi? Comment est-ce possible? Donc il y a un moment donné. Faites attention aussi, en effet, et ça c'est super important. Moi, encore une fois, je suis au CNC, après, mais la qualité, pas mal de gens me disent ah, j'ai signé le contrat, mais j'ai pas tellement fait attention au pourcentage. J'ai pas compris. Moi, j'ai pas compris, etc. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que malheureusement, dans ce côté sûrement. Aussi très français. Bah, tout ça, ça met des énergies négatives, voilà, de toute manière, de toute façon, sur les choses, quoi. Allez! Ça sera un débat encore une fois à part entière, mais c'est bien, c'est ce que j'aime bien dans Pulls de Rêve, c'est qu'on a plein de trucs, on se dit, oh, ça sera un super débat, et puis on coupe, et on est super frustré, mais c'est pas grave, ça fait partie aussi de ça. C'est la combien de fêtes de l'animation? Alors c'était la 14e fête du cinéma d'animation. Alors si vous suivez Bulles de Rêve, on va parvenir, hein, sur Émile Reynaud, etc., etc., 28 octobre. Normalement, vous êtes au courant, Si vous n'êtes pas au courant, quand même, faites un effort, c'est pas possible. Parce que là, quand vous même... êtes au courant, vous avez raté la journée mondiale du cinéma d'animation qui était il y a 3 jours. Oui, mais je suis sûr que vous avez fait une fête chez vous avec un exoto sur Émile Reynaud. Enfin, il y a des trucs, on fait que ça devait être énorme. Et vous passiez des images comme ça. Enfin, j'en suis persuadé, tous les gens qui écoutent Bulle de Rêve font ça. Ouais, c'est une évidence totale. Il n'y a pas encore des chiffres, évidemment. Sauf peut-être des chiffres des séances. Est-ce que cette année, on est. Alors. Quelques chiffres, j'en ai quelques-uns. On va dire que cette année, donc la fête, elle a duré 2 fois plus longtemps que l'année précédente, c'est-à-dire qu'elle a duré 1 mois. C'est pas pour autant qu'il y a eu plus d'événements, mais il y en a eu tout autant et répartis sur tout le mois, c'est-à-dire 400 événements en France. À la louche, hein, ce qui est vraiment intéressant et d'autant plus que cette année il y a beaucoup plus de régions. Et alors, bon, on va pas partir sur le débat des régions, mais on va dire territoires français qui se sont investis dans la fête du cinéma d'animation, ce qui veut dire que peut-être que le fait que les régions bougent aussi, ça donne un peu de nouvelles dynamiques aux services d'action culturelle et aux collectivités territoriales qui se donnent un peu de nouveaux défis pour peut-être pour s'implanter un peu plus dans un territoire qui a besoin de culture et pas seulement d'identité économique. Donc c'est super. Il y a 20 pays à l'étranger qui ont participé aussi à la fête par le biais de l'Institut français, donc des différents instituts français à l'étranger, notamment Dakar d'ailleurs, qui projetait Adama en avant-première deux fois, je crois, pendant le mois d'octobre. Et puis, en termes de chiffres, ne serait-ce que pour la journée mondiale, cette fameuse journée mondiale du cinéma d'animation, on célébrait et on rendait hommage à Émile Reynaud et on remettait un prix au meilleur court-métrage, le prix Émile Reynaud au meilleur court-métrage français produit en 2015, qui avait été, il y en a 8 qui avaient été sélectionnés par le comité de sélection du Festival national du film d'animation de Bru. Et donc, on a remis le prix. Donc, quand tu dis on, c'est parce que c'est les adhérents de l'AFCA. Les adhérents de l'AFCA, qui votent. Autant pour moi, je parle en tant que personne morale. Ouais. Sauf moi qui avais oublié mon numéro d'adhérent de l'AFCA, j'ai pas pu voter. Donc, gardez-le votre nom. Exactement. Tu pouvais le demander. Hein. Ouais, mais faut envoyer un mail. L'AFCA plastifie de super cartes avec un numéro d'adhérent qui permet de voter pour le prix Mireno, qui a été remis par les adhérents de l'AFCA au repas dominical de Céline Deveau. J'ai plus rien à dire en termes de chiffres. J'aime beaucoup ce moment qui était juste après, cette espèce de suspension. On va pas le redire, l'importance de la fête, évidemment primordiale aujourd'hui, tu viens de le dire, de plus en plus de gens qui s'intéressent à ça. Toi, tu le ressens, quand tu vas un peu partout accompagner des gens et voir, et tu ressens quand même une véritable envie où on se dit tiens, bah oui, on le fait parce que c'est la fête du mois de l'animation, qui est compliqué puisqu'il y a le mois du documentaire qui a beaucoup plus de place que le mois de l'animation, donc se mettre à ce niveau-là, c'est compliqué. Mais est-ce que tu sens quelque chose? Tu sens qu'il y a une véritable envie, on va dire. Ouais, oui, Alexis. Tu peux dire ouais, hein, c'est ça se ressent vraiment. Et ce qui est très surprenant, et je trouve d'une bonne manière, c'est que ça se ressent sur des publics et des communautés qui ne sont pas du secteur du cinéma d'animation, fondamentalement. J'ai pas perçu un réel engouement des amateurs et professionnels que je peux connaître du secteur de l'animation, vraiment spécifiquement sur ce mois. Mais je pense que c'est pas grave parce que tout l'intérêt, là, de mon point de vue, effectivement, de tous les événements que j'ai pu accompagner, c'est de voir qu'il y a des personnes du monde des médiathèques, des bibliothèques, des écoles, des MJC, des centres d'animation, donc j'entends par l'animation culture populaire, hein, qui s'emparent, en fait, de ce dispositif et qui se disent bah ouais, là c'est le mois d'octobre, j'ai une vocation culturelle à l'année et sur ce mois là je vais en profiter pour pour m'emparer du film d'animation. Je suis gentil, hein, vous savez, mais de temps en temps je me fais un peu l'avocat du diable et je pose la petite question et tout, mais je le dis avant, comme ça permet de se préparer. Est-ce que aussi, t'as raison, je trouve ça intéressant que des personnes justement ne connaissant pas l'animation, on va revenir là-dessus, s'intéressent. Est-ce que aussi souvent, quand je regarde, j'ai trouvé une certaine, comment dire, il y a des programmes qui sont tout prêts et beaucoup d'associations, beaucoup de lieux justement prennent les programmes tout prêts, comme on pourrait prendre le Grand Prix de Clermont-Ferrand, comme on disait, ou l'agence du court-métrage dit le Grand Prix de Clermont-Ferrand, vous êtes sûr qu'il va être loué des centaines de fois parce que c'est le Grand Prix de Clermont-Ferrand, comme on pourrait avoir. Et des fois, Alors, il y a quelques lieux, hein, la BPI à Paris, il y en a forcément d'autres un peu partout en France ou quoi. Des fois, j'avais trouvé voilà, qu'il y avait un peu le long métrage qu'on met en avant-première, mais qui est le long métrage qui est un peu, voilà, qui est connu, qui sort 2 semaines avant. Et il n'y a peut-être pas une recherche des fois pour faire le programme, on va dire. Alors, c'est compliqué, hein, je ne jette pas la pierre loin de là, au contraire. Mais, Non, alors effectivement, après. Même si on met de côté la dimension purement facile, c'est-à-dire c'est pratique d'avoir un programme clé en main. C'est pas facile, hein, je voulais pas non plus. Non, mais si on met de côté si on ne fait pas ce jugement, on porte pas ce jugement là du tout. Je pense que c'est pas plus mal parce que au final, c'est des programmes qui sont assez faciles d'accès, assez simples pour des publics justement pas forcément initiés au cinéma d'animation. Et pour moi, c'est plutôt une manière de comment dire, c'est une première proposition qui peut ensuite donner plus de liberté à ces personnes si elles ont envie de creuser. C'est-à-dire que, notamment Carré d'Art, Bibliothèque à Nîmes, on connaît Dominique Millard et c'est quelqu'un qui, elle, est très sensible et très investie dans le cinéma d'animation, mais pour autant, elle a sa casquette de chef de projet cinéma, mais je veux dire de bibliothécaire, si on peut dire de manière plus vulgarisée. Elle propose des programmes clés en main qui sont simples, qui sont proposés par l'AFCA, hein, mais voilà, qui ne sont pas complètement obscurs. Mais ça lui permet aussi. Sur une semaine elle crée son propre festival, mini festival d'animation dans le cadre de la fête. Ça lui permet de faire d'autres propositions de programmes. Et si elle a touché des publics qui ont été intéressés par ces programmes les plus simples, clés en main, qu'elle a pris tout fait à l'AFCA, ça lui permet aussi voilà, de faire ces autres propositions, donc d'avoir une autre légitimité, peut-être. Je pense qu'il y a cette démarche-là aussi. Sachant encore une fois que, comme je disais, je me faisais un peu l'œuvre du diable, les programmes étaient plutôt intéressants, et notamment les deux programmes coréens proposés. Enfin, il y avait une vraie belle diversité de ce qui peut se faire en Corée du Sud, évidemment, aujourd'hui. Est-ce que tu as ressenti ? Moi, j'étais étonné. J'ai présenté une séance à la BPI sur les clips britanniques. Il y avait pas mal d'adultes, quelques enfants quand même. On était l'après-midi. Est-ce que le public adulte, ça va être on en a parlé au début, l'une des problématiques. Est-ce qu'il commence à venir un peu plus en salle pour toi ou non? Ça reste quand même en grande majorité avant tout des choses pour enfants. Je râlais à ce micro-là ou en disant que les cinémathèques, par exemple, pourraient faire un effort quand on voit qu'ils font une rétrospective Florence Millet et qu'on se dit wow, c'est génial, et qu'ils la font le mercredi à 14h pour les enfants quand on connaît le travail de Florence Millet. Pour les enfants, c'est un petit peu bizarre. On a encore cette problématique-là quand même. Est-ce que toi, t'as ressenti peut-être quelque chose ou... Je pense que ça se ressent en termes de public visé. Clairement, c'est les enfants en grande majorité. Il faut l'assumer. Après, c'est pas pour autant que les programmes proposés sont des programmes pour enfants. Il va y avoir des programmes familiaux et notamment quand on parle de compilation de courts-métrages, qui font un programme en bout à bout d'une heure. C'est des films qui s'adressent aux adultes comme aux enfants. Je veux dire, quand on voit qu'il y a le fleuve aux grandes eaux. Plus de son prénom. Frédéric Bach. Pour moi, c'est pas un film qui est pour enfants. Ok, c'est très didactique, mais ça pourrait faire partie complètement d'un programme pour adultes. C'est vrai que pourquoi est-ce que le public est plus majoritairement enfant? C'est parce que c'est plus facile aussi en termes de politique culturelle de légitimer son programme, en tant que médiathécaire, dire j'ai une nouvelle proposition pour notre public de jeunesse, tout simplement, je pense. Alors on est en retard évidemment, et en plus juste après l'émission, après je vous ai déjà dit, hein, restez parce que c'est longtemps, je me suis couché de bonne heure tard. Il me déteste. Francis Gavel qui évidemment ne plaisantera pas, il ne voudra pas dépasser d'un iota. Il me l'a déjà prévenu, je tiens mes oreilles à tout ça. Donc on va faire une petite pause musicale maintenant pour vous laisser reposer, puis après on va revenir pour parler évidemment d'Adama et du travail d'Emily Fong, et on reparlera un petit peu bien sûr de la fête de l'animation. J'avais encore plein de questions, notamment travailler avec l'agence du court-métrage, c'est important, est-ce qu'il faut être diplomate quand on est coordinatrice de la fête de l'animation, enfin plein de questions super bizarres comme ça, voilà. On pourrait parler aussi évidemment puisque je vous l'ai dit, Clément, ça a plein de casquettes partout, et on aurait pu parler de les femmes, voilà, de chapellerie, ça pourrait être très bien. De les femmes s'animent. On verra ça plus tard. On va. Ok, ouais. C'est la quatrième. C'est Halloween. Donc en fait, je me suis dit, Halloween, fallait que je leur mette de la musique que j'aime bien. Et donc, Halloween, le diable du métal, forcément. Alors là, un métal un peu particulier, parce que je vais vous faire écouter un morceau d'un groupe qui s'appelle Voodoo Kung Fu. Ouais, c'est un groupe de métal chinois, pro-tibétain, un truc absolument barré, qui hurle tout le temps, c'est super bien, vous allez voir. Et donc ça s'appelle From Hell, tout simplement. À tout de suite. Ok, après Jambina, vous vous souvenez hein, la dernière fois qui était ce groupe coréen qui fait du rock progressif avec des instruments coréens que j'ai loupé en concert. Ils sont passés, faut qu'ils reviennent vite. Je les ai loupés, je suis très triste. Voilà, c'était juste un petit silence pour dire à quel point j'étais très triste. Et donc on vient d'écouter Voodoo Kung Fu, qui est un groupe qui est quand même plutôt pas mal, parce que vous avez entendu, il y a des petites influences de musique chinoise à un moment donné, même si personne n'écoutait ici. Mais toujours la même chose. Mais en tout cas, voilà, c'est super intéressant. C'est From Hell. Adama. Alors, c'est toujours compliqué de, quand vous avez ce que vous avez l'impression que les gens connaissent, puisque moi, j'ai eu la chance de faire à la fois des interviews, une rencontre sur Adama. Donc, on se dit, mais c'est vrai qu'il faut revenir un peu à la base. Comment toi, qui n'étais pas forcément dans l'animation, tu rencontres quelqu'un, Simon Roubi, qui vient des Gobelins, qui a fait CalArts. Moi, je me souviens de son film Le Présage de CalArts, qui m'avait marqué. Donc, il a un univers qui est très fort, mais qui reste un peu dans le petit monde de l'animation. Comment toi, tu viens à découvrir ce film, Séverine? Moi je suis un peu une hybride, on va dire, comme Simon. C'est pour ça qu'on s'est bien retrouvé sur Adama. Pour ceux qui ont vu ou n'ont pas vu Adama, qui est donc un film, on va dire, hybride, parce que plusieurs techniques d'animation à l'intérieur, enfin pour le fabriquer. Et moi j'ai ce parcours-là aussi, c'est-à-dire que j'ai commencé par le spectacle vivant. J'ai mêlé dans le spectacle vivant, donc essentiellement du théâtre, tout ce qui est cinéma et vidéo, donc un travail de vidéaste à côté, de metteur en scène, quelques belles années de radio aux ateliers de création de Radio France pour France Culture, où je fais de la production là et de la réalisation de documentaires, parce que le son, je pense, est aussi très très important, et moi j'avais vraiment ce désir là et puis en même temps je continue à tourner des choses, à rencontrer des gens, à mélanger les techniques et à mélanger les choses, et dans cette dans ce mélange, et ben à un moment donné je rencontre Simon et ça se passe à son retour de CalArts. Et par biais d'amis communs, et on devient au départ plutôt pote. Et lui, il a donc Julien Lilti qui lui a proposé donc le sujet d'Adama quelques années auparavant, enfin avant qu'il parte à CalArts. Et du coup, enfin pas avant qu'il parte à CalArts, pendant qu'il était à CalArts, au Gobelin, Julien vient pitcher son histoire d'Adama, personne n'en veut et on le rattrape par la manche. Et un étudiant lui dit, écoute, là il y a personne qui est intéressé par ton histoire, mais je connais un seul mec au monde qui pourrait être intéressé. Et il est à CalArts en ce moment, il s'appelle Simon Roubi. Simon revient et il la rencontre, Julien, Simon se fait. Et donc quelques années après, nous quand on monte Naya avec Philippe, en 2008-2009, je me dis quand même, Simon et son long métrage là, ça pourrait être vraiment une belle histoire. On fait La Marche ensemble, qui est le premier, qui est un court métrage donc qu'on écrit tous les deux avec Simon et que Simon réalise, et sélectionné au Festival de Bruges d'ailleurs, et qui immédiatement, voilà, c'est évident que on aime travailler ensemble, que ça se passe bien, qu'on a envie d'aller plus loin, et qu'on voilà, et que là l'ambition aussi de Naya, qui était dès le départ essayer de mettre une nouvelle image à l'écran, en tout cas créer une image avec des sujets forts qui ont un sens dans le monde dans lequel nous vivons, qui n'est pas très stable et poétique. Voilà, la seule réponse que nous on a trouvée par rapport au métier qu'on fait, c'est d'amener de la beauté avec une histoire qui raconte un truc fort par rapport au chaos actuel, quoi. Alors j'ai signé un contrat avec Francis, je ne peux pas dire ce que je pense du film parce que je vais le dire entre 19h et 20h. Donc ah mince, je le dirai. Là, je suis obligé, j'ai signé, donc voilà. Mais ce qui est intéressant, alors pour revenir, on va revenir quand même évidemment sur le propos, sur le film. On pourra même pas se disputer en direct. Non. Bon. Tu peux rester après, je sais pas, faut voir avec Francis. C'est Francis qui décide qui est. Est-ce que souvent un producteur parle de ça et dit il y a une rencontre. Là, tu viens de nous le dire, mais il y a une rencontre avec à la fois une personne, il y a une rencontre avec un projet, avec un film. C'est avant tout ça. Même si c'est de la folie de se lancer dans un projet, des fois, la folie vaut la peine puisqu'on a, d'un seul coup, cette personne en face de nous qui nous qui nous embarque et on se dit ok, je veux bien me laisser embarquer. Oui, enfin, on s'est tous embarqués là. On était quatre, hein, et je dois dire que personne n'en voulait pendant plusieurs années. Hein, ça a duré. Nous, on avait une conviction totale par rapport à ce qu'on sentait de l'air du temps aussi, qu'il y avait. Enfin, de toute manière, on est incapable de faire notre métier autrement. C'est-à-dire que que ça soit du live, enfin de la prise de vue réelle, ou que ça soit de l'animation, il est fondamental pour nous de réagir sur ce qui se passe en ce moment dans le monde avec des migrants. Grands à Calais, l'Afrique qui a une énergie hyper forte des nouveaux entrepreneurs, mais en même temps tout ce qui peut se passer, ce qui se passe en Syrie, des guerres, des enfants dans les guerres, etc. Donc d'un seul coup, Adama prenait en charge toute une partie de ces sujets-là sur lesquels nous, on a envie de réagir, nous, on a envie de dire des choses, on a envie de porter un message aussi, sans être didactique, sans taper sur la tête des gens, sans être trop anxiogène aussi. C'est vrai que la beauté est fondamentale pour moi pour faire passer ces choses-là, et de voir chez les êtres humains en face, spectateurs professionnels ou non, les spectateurs, comment eux vont réagir par rapport à cette humanité, et ce que ça va générer par la suite en débat, en partage, en échange sur ces sujets-là. Et c'est là que Adama prend sa forme, c'est-à-dire qu'on est tous les quatre fondamentalement investis avec cette idée-là, en se disant faut faire un truc évidemment qui déchire, qui soit super beau, où on contourne les difficultés financières aussi, comment on va faire, être tous inventifs, avoir plusieurs casquettes à la fois. Clémence est vraiment en plus est quelqu'un qui nous soutient, qui nous a beaucoup soutenu sur Adama, donc je suis vraiment ravie d'être là, et je le dis en direct à ses côtés. Et c'est vrai que c'est fondamental aujourd'hui. Il faut se mettre à inventer des nouveaux systèmes, il faut changer. On a un monde où les paradigmes sont en train d'exploser, donc il faut changer les choses et il faut réfléchir à comment le faire. Après, il y a un gros système qui est là en marche, un marché qui est extrêmement violent. Ton article, ton pamphlet, ton article, ton manifeste sur Adama et Phantom Boy, 10 jours après les sorties, la sortie c'est 25 000 entrées pour Adama. Première semaine, c'est le choc total. Nous, on a évidemment déployé énormément de choses, parce que comme on est distributeur aussi, par rapport à ce que tu dis dans cet article, qui remet effectivement les choses en question, comment des films à petit budget, et qui ne sont pas des grosses machines, et qui n'ont pas juste les gentils et les méchants, on se tape dessus comme on fait, le gentil va gagner à la fin, comment ces films-là font pour exister et survivre. C'est une vraie question. Moi, je pense qu'il y avait une réponse par rapport aux distributeurs dans les commentaires. C'est pas forcément qu'une question de distribution, parce qu'il y a des films. Nous, on a choisi effectivement des distributeurs pour pouvoir accompagner jusqu'au bout le bébé, quoi. Et puis, à un moment donné, on peut pas avoir les 100, on peut pas avoir 200 salles en France en plus. On peut pas en plus acheter 200 salles de cinéma pour diffuser le film. Donc, le problème vient beaucoup, selon moi en tout cas, aujourd'hui. Des exploitants. On va revenir sur le film. J'aimerais quand même juste faire un point là-dessus. Est-ce que beaucoup de gens dans l'animation, je peux le dire aussi, se disent pourquoi on sort pendant les vacances ? Pourquoi attendre par exemple les vacances et d'avoir là d'un seul coup trois films ? Alors là-dessus, moi je peux juste répondre pour Adama. Bien sûr, oui. Pour Adama, on était les premiers placés en octobre. C'est-à-dire que on s'est posé la question, est-ce qu'on sort après Annecy, juste après Annecy, donc juste avant l'été. Nous, on savait qu'on avait besoin de déployer tout un travail, parce qu'on a travaillé beaucoup avec le MRAP, la LICRA, le CRAN, la Ligue des droits de l'homme, pour que le film soit connu, et qu'on avait besoin de ce travail-là derrière Annecy pour partager l'information et que les gens s'approprient aussi cette info. Donc du coup, on a été obligé de prendre du temps. Et donc on s'est dit ensuite, bon bah il y a les vacances scolaires, ça reste quand même un moment privilégié puisqu'on est de l'anime, et c'est juste dans la tête des exploitants, l'animation c'est pour les enfants. Et c'est aujourd'hui impossible pour eux d'envisager autre chose. Pourtant, ils ont vu le film. Hein. Mais par exemple, nous, on est en train de se battre chaque jour pour avoir des séances le soir. parce que c'est un film pour les enfants, donc c'est 15h30 voilà, en pleine semaine. Donc tous les gens qui bossent et tout, c'est pas possible pour eux de voir le film à part le week-end, parce que c'est un film d'animation et qu'on n'est pas Hôtel Transylvania. Je vous rappelle ce que disait Florian ici même, hein, directeur des Cieux des Ursulines, petite anecdote mais qui veut dire beaucoup de choses. Quand ils avaient sorti Brendan et les Secrets de Kells, c'était lui, il faisait des séances le soir en VO, il avait insisté ou même en VF, mais il avait insisté pour en faire le soir. Et il se rappelle d'un adulte qui vient et qui dit je crois qu'on m'a dit que c'est bien le film, mais j'ai pas d'enfant, je peux quand même le voir, et qui avait l'angoisse. Il disait, on avait presque l'impression que c'était pire qu'un sex shop d'aller voir un film d'animation pour un adulte. Il y avait un côté qui était presque une horreur. Donc on a un vrai problème quand même encore par rapport à sa positionnement. Moi j'ai exactement ce même retour sur la page Facebook du film, des messages privés qui disent bah voilà, nous on veut voir le film le soir, il y a pas de séance quoi. Et dans la tête des exploitants, moi je pense que vraiment en plus on a un public, c'est-à-dire que on a une nouvelle génération là qui a l'habitude de voir de l'animation, qu'on a vu, qui a envie d'en voir. Alors c'est pas forcément le grand public, mais c'est quand même au-delà, je pense, de 30 000 personnes quoi. Et surtout que je dirais juste une petite chose, c'est vrai que le film déploie à mon avis un cinéma qui est vraiment là un peu différent. Là je parle pas d'animation, je parle pas de technique, c'est-à-dire que le film prend son temps, ce qui est assez rare en animation, ce qui est pas enfin normalement il faut vite qu'il y ait d'un seul coup quelque chose qui se passe, et là je vais pas trop en dire, mais c'est vrai que l'événement principal qui pourrait être la gare arrive très tard. Il n'y a pas non plus de choses exceptionnelles, il n'y a pas d'effusion, on a vraiment l'impression d'un déploiement encore une fois d'un cinéma un peu différent en long métrage, donc qui je pense peut toucher un public encore une fois là aussi qui demande un autre cinéma, C'est vrai que nous avant tout le désir avec Simon et Julien c'était de faire du cinéma. Que ça soit du cinéma d'animation, du cinéma live, ou peu importe, c'était de faire du cinéma. Donc de raconter une histoire d'une certaine forme, avec un certain rythme lié à cette histoire-là, une certaine forme liée à cette histoire-là, et jusqu'à la fabrication qui a été faite en fonction de l'histoire aussi. Et ça, c'était volontaire. Quand je disais tout à l'heure cette discussion avec Simon, où on s'est dit que nous n'avions pas fait de concession, on n'a pas fait... c'est vraiment le ce qu'on se dit en ce moment. On se dit, bon, en même temps, les gars, on s'est jamais posé autour de la table en se disant, tiens, on va faire un truc commercial. Adama, là, qu'est-ce qu'on modifie dedans pour que 1 million de personnes viennent le voir? On s'est jamais dit ça. Et d'ailleurs, la reconnaissance internationale, là, est massive. On a, j'ai cette semaine 5 festivals encore en plus. Il y a des choses qui sont encore officieuses, mais qui sont plutôt grandes pour Adama. L'étranger est très en demande. Alors, peut-être c'est la révolution en France, ce sujet-là. L'étranger, les festivals ou la distribution en salle? Les deux. Les deux. Je pense que, en tout cas, et t'as vu le papier dans le carton de Brou, le sujet est très fort à l'étranger sur toutes les résonances. Sur toutes les résonances par rapport, effectivement, aux migrants, aux voyages nord-sud, à la quête initiatique, les enfants dans la guerre, qu'est-ce qu'on fait avec l'oseille, tous ces sujets-là, quoi. Je suis très ébattu. On va manquer de temps évidemment, on va donner envie évidemment, et j'espère on verra bien ce qui va se passer entre 19h et 20h, mais on va donner l'envie aux gens d'aller le voir. Ce qui m'épate aussi, c'est que c'est un film justement qui insiste pas là-dessus. C'est-à-dire que tout est là, mais il y a pas des gros sabots en train de se dire justement oh là là, l'Afrique va mal. On voit pas une Afrique qui va mal. On voit pas une Afrique qui est forcément une Afrique même qui est en proie à des doutes avec plus ou moins la tradition qu'il faut garder. Puis d'un seul coup la jeune génération. Pareil, on voit pas forcément des mauvais blancs qui sont là. Enfin, on voit des gens qui essayent de survivre un petit peu partout. Et je trouve que justement il y a un équilibre intéressant et que on peut en sortir et d'un seul coup discuter, que ça soit entre adultes avec en discuter et avoir chacun finalement un peu une vision un peu différente du film. Le film je pense que ça c'est vraiment le talent de Simon et Julien, et en même temps c'est un vrai désir, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour être moralisateur, on n'est pas là pour donner des leçons. Le meilleur moyen pour ouvrir les choses et pour les partager, c'est évidemment de laisser l'autre venir nous donner son ressenti par rapport à tous ces sujets. Et sur les 140 avant-premières qu'on a réalisées, les échanges échanges avec les gens ont été d'une force et petits et grands, c'est-à-dire à la fois des gens concernés qui ont des ancêtres tirailleurs ou des grands-parents qui ont fait la guerre, ou mais aussi une vieille dame juive qui est venue pleurant en me disant ça me rappelle le trajet que j'ai fait pendant ma déportation. Des enfants qui ne connaissent pas du tout l'histoire et qui d'un seul coup évidemment échangent sur le sujet. Alors évidemment le milieu scolaire et les instits, les profs s'approprient le bébé, et tant mieux, puisque c'était aussi une vertu aussi d'Adama, c'est de dire voilà, c'est un sujet, on est là aussi pour éveiller la mémoire, on est là aussi pour parler de ces gens dont finalement on n'a jamais parlé dans l'art, en tout cas cinéma quoi, ou très très peu quoi. En tout cas ouais, là des bémol que je dirais au film, puisque tu voulais qu'on, à un moment donné, qu'on se fight, à un moment donné, on voudrait, mais pas forcément un bémol, mais c'est vrai que peut-être moi, en tant qu'adulte, je commence à être un peu, pas agacé, mais qu'on mette en face de moi, mais c'est peut-être l'obligation aujourd'hui, finalement, des héros qui sont des enfants, encore avec des problématiques d'enfants, et j'en parlerai, et on en reparlera forcément, évidemment, dans l'émission de Francis, puisque ça, c'est quelque chose qui, j'aurais adoré suivre le grand frère. Ouais. Par exemple, quelque chose qui m'aurait... Bon, alors là, il faudra discuter avec Julien, parce que c'est la base de l'histoire vient de l'histoire de Julien. Après, un héros enfant black, en France, on n'en a pas. Enfin, on a Kirikou pour les preschool, et puis c'est tout. Et puis, je pense que... En tout cas, nous, il y a une vertu aussi de transmission, et il y a un désir aussi de quelle est la génération qu'on éduque, là, et qui va continuer derrière nous. Et dans l'état, effectivement, je me répète un peu peut-être, mais dans l'état dans lequel est le monde, je pense que c'est bien là que nos enfants et nos ados, on leur donne des choses, quoi, et on leur donne des idées sur comment se construire, les choix qu'ils font, leurs désirs, leurs envies, et toujours cette fraternité, quoi, avec un vrai frère de sang, mais avec autrui, quoi. Et ça, c'est aussi sur l'enfant que tu le dis, parce que l'adulte, évidemment, il peut changer de parcours en cours de route. Mais au départ, voilà, pour traiter tous ces sujets-là, l'enfant et le parcours initiatique étaient pas malvenus. Il y a des personnages évidemment aussi passionnants en second rôle, hein, qui sont assez étonnants. Je vous laisserai découvrir. Encore une fois, on n'a pas assez de temps pour en parler. Il y a plein de choses qui sont sur Adama. Allez voir ces films en salle rapidement. C'est aujourd'hui la distribution est difficile. Si le mercredi la première séance ne se fait pas suffisamment, on vous met dans la troisième salle, et comme vient de dire Séverine, quand on vous met en troisième salle avec déjà moins de monde, évidemment vous allez toucher encore moins de monde, et si vous n'avez pas de séance le soir, et ben évidemment vous allez toucher encore moins de monde, et puis vous disparaissez, et voilà, et vous disparaissez au fur et à mesure. Ça, c'est vraiment une des grandes problématiques qu'on a aujourd'hui. Je vous rappelle que même un film comme Kirikou a mis un an pour faire son million de spectateurs. C'est pas venu comme là au théâtre en Sylvana 2, qui évidemment fait 1,7 million en 15 jours. Après, il faut être réaliste, quelqu'un parle de la communication, il faut être réaliste aussi, quand vous avez 4 millions d'euros pour faire un film et qu'à côté de ça, les grosses boîtes ont 1 million rien que pour faire la com en France, c'est évident que on ne joue pas sur le même niveau, et c'est pour ça qu'on a besoin quelque part de serrer les coudes, surtout quand là on a de la chance, encore une fois, c'est incroyable, on a une chance d'avoir des longs métrages qui sont bons. En France, on a Phantom Boy dans un style, on a Adama dans un autre, on verra Avril, il y a Tout en haut du monde, on les aime différemment, on peut ne pas les aimer, mais il y a une vraie qualité dans chacun de ces films, donc il y a vraiment là encore une fois un combat à avoir. Et je dis ça aussi par rapport aux étudiants en animation, oui je sais moi aussi, on télécharge, je sais que c'est quelque chose qui est maintenant courant, mais c'est vrai que c'est important, c'est quand même la branche sur laquelle vous êtes, et c'est vrai que si on veut à un moment donné, faut arrêter de se plaindre et de se dire ah là là, mais Cartoon Network qui font des super séries, ah mais un tel, mais c'est, ils peuvent le faire qu'aux États-Unis. En France, on a suffisamment de talent, on a suffisamment de choses, et c'est vrai que, mais par contre, il faut évidemment soutenir en salle les films de manière à ce que, bah, quand vous allez aussi pouvoir aller voir un producteur, lui dire ah ben regardez, j'ai un super projet, qu'on vous dise pas non mais t'es gentil, mais là t'as vu les derniers films, ils ont fait 30 000 entrées, donc voilà, c'est vraiment, je suis content de recevoir Séverine et pour parler d'Adama, parce que c'est vrai que c'est, je pense qu'on a besoin d'aider absolument ces films dès la salle et non pas après, comme on dit, voilà, que ça soit à la télé ou ailleurs. Merci beaucoup à Séverine, ça a été trop rapide, on va faire une dernière petite coupe musicale, on va partir très loin. enfin pas très loin, mais dans la liste. Normalement, tu dois avoir un titre qui s'appelle Jack's Obsession. Est-ce que vous l'avez ? Merci. Eh ben, on va le mettre. On est toujours dans la BO de Nightmare Before Christmas dans Esselik, mais là vous allez voir, c'est réinterprété par Sparkle Horse, grand groupe américain. Vous entendrez avec cette voix très très lancinante. On écoute et on revient pour finir l'émission déjà avec Émilie et Clémence. À tout de suite. What's wrong with Jack? Something's wrong with Jack. Don't know if we're ever gonna get him back. He's all alone up there, locked away inside. He never says a word. Something wrong, so hard to put. Reprendre le micro après cette superbe voix Sparkle Horse qui reprend donc Jack's Obsession, bien sûr le morceau de Danny Elfman. Émilie, DMA MK Gobelin, mais on va commencer parce que bah voilà, t'as eu donc le second prix à la BPI. C'est compliqué de mettre en image un clip avec des mots, en plus c'est un clip assez politique. Mm-hmm. C'est compliqué ou non? C'est un plaisir? Les deux. Ah bah oui, de toute façon c'est forcément un peu des deux. Après, enfin oui c'est ça en fait. Quand j'ai reçu les paroles du texte, j'ai eu quand même un peu peur au début parce que bon, ils allaient quand même à fond dans quelque chose et puis j'avais pas forcément bien compris le sens du texte aussi au tout début, car je pensais que c'était très premier degré quoi, que c'était vraiment ça parle d'une, enfin le chanteur en fait il prend la voix d'un homme qui critique tout en fait, comme enfin du français très beauf, voilà, très ça. Voilà, très je critique tout va mal dans mon pays et tout, et comme il prenait cette partie de prix là, je savais pas si c'était, enfin je trouvais ça bizarre quoi, parce que lui il était plutôt bon de gauche, voilà, bon c'était pas bon. Après en le redisant j'ai bien compris que c'était pas que c'était ironique en fait comme position. Et du coup, ouais, j'ai eu un peu peur au début de partir dans quelque chose qui soit ou cliché ou, enfin, tu vois, comme j'ai pas un rapport à la base à la politique très, je suis pas la politique beaucoup, etc. J'avais peur de me planter, quoi, de dire de tomber dans des gros stéréotypes et tout. Et du coup, en fait, il a fallu, trouver en fait une vision qui moi me parlait personnellement, genre un sujet de société, quelque chose qui faisait que moi j'étais vraiment impliquée. Et du coup, c'est l'angle c'est le point de vue que j'ai pris, quoi. C'est de m'attarder du coup sur le débat. Enfin, il y a une partie en fait dans le clip sur une référence aux manifestations contre le mariage gay qui avait eu 2 ans auparavant, quelque chose comme ça, et qui pour moi était resté comme vraiment quelque chose d'emblématique et de type de problèmes qu'il pouvait y avoir en France en fait à ce moment-là, c'est-à-dire des oppositions comme ça, assez violentes dans la société. De mon point de vue, et du coup voilà, c'est une fois que j'ai trouvé ce filon là entre guillemets, c'était plus facile de trouver après toute une histoire. J'ai l'impression, alors c'est un peu bateau quand on reçoit un invité, quand on reçoit des gens comme ça, on dit toujours, toi en tant que journaliste tu dis putain, faut que je trouve quelque chose, un angle d'approche, quelque chose, mais quand même, quand j'ai l'impression qu'on a un équilibre tout le temps, et évidemment qu'on va retrouver dans la plasie encore de manière plus évidente, mais souvent c'est à dire que là on est dans une vision un peu naïve entre guillemets du graphisme avec ce côté politique qui est très fort, et j'ai l'impression que beaucoup de ton cinéma, et quand je parlais de Vimeo, c'est vraiment, on est beaucoup dans cette espèce de mélange de choses des fois très très dures et d'autres beaucoup plus guirettes, et est-ce que ça c'est quelque chose, quelque chose que t'aimes, sur lequel t'aimes travailler, ou ça vient de manière évidente, enfin c'est pas une réflexion de tous les jours? Ah, c'est pas une réflexion de tous les jours, non, de toute façon. Justement, je m'étais rendu compte de ça, enfin parce que voilà, c'est pas quelque chose d'intellectualisé et puis après je le fais le truc. C'est en fait c'est à l'MK où je m'étais rendu compte que j'avais un peu ces deux directions entre guillemets. Parce que justement on a un peu des ateliers genre une fois, enfin une semaine on doit faire un film, donc on n'a pas tellement le temps, enfin finalement de réfléchir à fond, d'intellectualiser le truc, enfin sur 4 jours, enfin ouais, sur 5 jours de production il y a une journée où on réfléchit au scénario et puis les 4 jours où il faut vraiment faire en fait. Et du coup là j'étais un peu partie dans mes trucs comme ça, genre c'est à l'intuition, et puis effectivement il y avait ces deux directions là, le côté un peu amusant etc, enfin qui dans un sens, et l'autre côté est beaucoup plus glauque. Parce qu'on l'a déjà des. Non, c'est l'homme. Hein, c'est parce qu'en fait, en DMA, c'est un peu le rêve de l'apprentissage facile. C'est l'alphabet du savoir. C'est ça, non, c'est la soupe. La soupe du savoir. Ah, ça fait longtemps. J'ai mélangé les deux, en fait, parce qu'à un moment donné, il y a l'alphabet, on prend. Je sais pas pourquoi j'ai mis l'alphabet du savoir. La soupe du savoir, qui est en fait un peu le rêve de tout le monde. C'est-à-dire, on mange et on apprend en même temps. Oui. Oui, effectivement. Après, ça, c'était un petit concept. Enfin, c'est pas, j'ai pas non plus réfléchi. Enfin, quand j'étais en DMA, je pense que j'avais pas assez de maturité pour véritablement avoir un sens profond derrière. Donc, c'était plus le concept qui m'intéressait. Voilà, un jeu de mots, quoi. Et donc, c'est pour ça que d'un seul coup, tout vient à l'MK. Et l'MK, c'est vrai qu'il y a plein de choses complètement différentes. Donc, l'homme, très inquiétant. Même le Canal J, hein, une petite fille qui parle avec un psy et qui fait peur à son psy. Ouais. Pas évident, Canal J normalement, non, ça a été accepté facilement. Alors, ça, le Canal J c'est un peu différent parce que j'ai bossé en co-réalisation avec Juliette Caballeri. Mais en fait, je m'étais tellement donnée sur les autres, sur les autres films d'atelier que j'avais plus trop l'énergie pour celui-là. D'accord. Donc je me suis positionnée vraiment en tant que technicienne, quoi. Donc j'ai vraiment animé, mais je me suis pas impliquée dans le scénario. Ça, c'est quelque chose que t'aimes bien faire aussi. J'ai repassé par exemple, bah, évidemment, de l'MK au Gobelin, c'est-à-dire d'un seul coup être auteur de son projet, puis d'un seul coup de se dire non, allez, moi j'en ai, moi je fais, enfin entre guillemets, je fais beaucoup parce que t'es animatrice, mais je m'occupe pas du scénario et de la réalisation. Moi je pense qu'en fait ouais, j'en ai besoin même en fait de cet équilibre là, parce que enfin j'adore le travail de réalisation, mais je suis aussi vachement intéressée par le mouvement en fait, par vraiment l'animation elle-même. Donc ce rôle de technicienne, moi j'y trouve totalement mon compte aussi. Puis en plus en termes d'investissement psychologique dans enfin je sais qu'après l'MK j'étais vraiment fatiguée quoi par mon film de fin d'études où j'avais vraiment mis mes tripes et tout. Et bon, Gobelin, j'avais vraiment envie de quelque chose de très technique, on s'investit du coup fort aussi, mais vraiment dans quelque chose de moins personnel, quoi. Pour revenir sur les films, on peut dire qu'il y a le plaisir du trait, il y a le plaisir du dessin, qui est là, que ça soit Haïku, mais alors là, je parle même d'exercice, évidemment, on va parler d'Aplasie, mais Haïku, Le Pêcheur, par exemple, il y a vraiment cette idée de la ligne. Ouais, c'est vrai. Ben, je pense qu'en fait, à la base, c'est la première chose qui m'a attirée de l'animation, c'était le dessin, en fait. Et beaucoup plus que la couleur. Enfin, la couleur, j'ai jamais vraiment été, finalement, attirée par ça. Voilà. Et ouais, c'est ça, il y a vraiment le plaisir du trait, le côté très dynamique, très, très, très ludique, en fait. Est-ce que ce trait induit souvent une mise en scène ? Par exemple, est-ce qu'Aplasie, en effet, on va finir par parler d'Aplasie, évidemment, qui est ton film de fin d'études, où on retrouve d'un côté le côté bon vivant avec des cercles, des ronds, enfin voilà, et puis d'un seul coup l'hôpital où là on est dans quelque chose de beaucoup plus des traits secs, enfin, etc. Est-ce que ça donc ce plaisir du trait induit finalement ce jeu entre les deux univers? Oui carrément, parce que enfin c'est vrai que du coup j'y mets du sens aussi dans le trait quand je, enfin, de façon peut-être un peu classique, mais c'est vrai que quand j'y vais dans quelque chose de très lâché, bon ben ça induit du coup pour moi quelque chose de beaucoup plus jovial, de beaucoup plus spontanément j'avais d'une animation plus comme ça en fait, qui exprime voilà plus de bonheur, etc. Et quand j'y vais dans un trait justement très très fermé, enfin dans la Plasie justement j'ai des décors de l'hôpital où c'est presque, enfin je voulais faire un effet un peu gravure en fait, voilà, donc c'est plein de petits traits comme ça, c'est très rigoureux et très minutieux. Bah pour moi ça impliquait forcément autre chose, et il y a aussi le du coup dans ce plaisir du trait et du coup de l'animation, je pense que je zappe aussi un peu le décor aussi à cause justement parce que c'est lié à ça. Ouais, mais finalement est-ce qu'il n'y a pas le plaisir il y a un téléphone portable qu'on entend, donc c'est un peu troublant. C'est un peu troublant. Non, ce n'est pas moi. C'est forcément Clémence, parce que Clémence, il y a plein de gens qui l'appellent, parce que Clémence, elle est super importante. C'est pas moi, je capte pas. Non. Donc, pardon, excusez-moi. Donc, Aplasie, c'est... Enfin, tu le sais, on en a parlé, évidemment, il y a le bonheur du trait de Joanna Queen, un peu à la Joanna Queen, dans le côté bon vivant, comme ça. Et il y a des images très dures. Ça, c'est des images qui sont venues directement aussi, manger sa seringue, enfin, il y a des choses. Et en plus, tu gardes, il y a un grand travail aussi avec le sang, enfin, tu gardes vraiment là la dureté de l'image. Ouais, parce qu'en fait, justement, en fait, cette scène avec où il mange des seringues dans son hôpital, en fait, c'est un peu la base du film, en fait. Enfin, c'est comme ça que c'est la première scène qui m'est venue à la tête, à l'esprit. Parce que du coup, en fait, cette histoire, du coup, elle parle d'un truc très personnel. En fait, c'est une expérience que j'avais vécue quand j'étais à l'hôpital. Et du coup, enfin, c'est vraiment ce qui m'avait marqué, c'était ça, quoi. C'était ce contraste énorme entre toi à l'hôpital quand t'es immobile, enfermé, tout seul, enfin, totalement contrainte, et quand tu vois les gens à l'extérieur, juste qui marchent dans la rue, en fait, et qui ont l'air, enfin, juste ils peuvent marcher dans la rue, c'est super, quoi. Et voilà, du coup, c'était vraiment assez évident pour moi ce côté très binaire, en fait. Et la fin, on va peut-être pas dire la fin. Il est sur le Vimeo, hein, vous tapez Emilie Huong, Phuong, et vous tombez, mais en tout cas le fait que on va dire les bons vivants droit à un retour de bâton aussi était important aussi pour toi? Bah, alors en fait, pour moi, ce qui était important, c'est de dire que c'est pas forcément celui qui a l'air le plus malade, en fait, qui va forcément mourir, parce que c'est pas vrai. Mais quand, en l'occurrence, on peut, enfin, quelqu'un qui va très bien, un peu aussi, lui, au contraire, enfin, je sais pas, il y a un accident de voiture, il est mort aussi. Donc, enfin, pour moi, c'était dans cet esprit-là. C'était pas dans le côté revanche, retour de bâton du tout. Ça, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui l'avaient compris comme ça. Ça, c'était pas du tout volontaire pour le coup. Bien fait pour lui, regardez comment il était heureux. Bon, c'était pas. C'est plus, voilà, c'est normal. C'est normal, les choses se passent forcément comme ça. Ouais. Est-ce que tout à l'heure, c'est drôle, c'est pour ça que je comparais quand je disais à Clémence qu'elle faisait plein de choses et disait, bah, je sais pas si c'est bien ou pas bien, mais en tout cas, voilà, c'est comme ça que les choses se passent. Toi, on a vraiment l'impression, c'est aussi très impressionnant. Alors, on est sur 2, 5, 6 ans d'études entre les MA de Sainte-Geneviève et puis les Gobelins, mais vraiment entre l'alphabet du savoir, je l'aurais dit, hein, la soupe du savoir, pardon, excusez-moi, décidément. Ah. La soupe du savoir, haïku, le pêcheur, le rituel. On parle de l'Afrique aussi, puisqu'on était tout à l'heure sur Radama, où on a ça. Le créadoc avec Nu, où là tu fais parler. Enfin, où, non, on pourra en parler un tout petit peu du créadoc. Tiens, parlons-en maintenant du créadoc. Comment ça s'est passé? C'est difficile de faire, de prendre un documentaire audio et ensuite de le travailler en visuel. Alors là, en fait, non, parce que la choréalisation, c'était donc une choréalisation avec une étudiante du créadoc. Ça s'est vraiment super bien passé, c'était très complémentaire. En fait, donc j'avais choisi sur le thème du modèle vivant, donc c'est moi qui avais choisi le thème. Enfin, je vais travailler avec elle, quoi. Ouais. Et en fait, elle a vraiment d'abord coupé le son, mais elle avait quasiment carte blanche. On avait une direction, en fait, on voulait parler du corps, de quelque chose en particulier. Et par contre, elle a vraiment fait tout le montage son avant, avec le piano, d'accord, etc. Et du coup, moi, j'avais cette matière qui, pour moi, était déjà très cohérente. Et il fallait mettre des images dessus, et ça m'a paru, en fait, très intuitif. J'y suis un peu allée pareil. On avait un mois, donc on n'a pas tellement le temps de. Voilà, c'est pas, on réfléchit pas un an à qu'est-ce qu'on va mettre dedans, quoi. Donc c'est. Mais là, il y a aussi plein de directions. C'est-à-dire que d'un seul coup, j'ai bien dire que ça représente tous tes films, mais il y a un côté bout de photo, ou un côté on part sur des croquis, des choses comme ça. Ouais. Et la nudité, d'un seul coup, est représentée dans plein de formes et plein d'aspects, ouais. Ouais. Bah ça, ouais, c'est aussi justement le côté. Moi, j'ai ce morceau audio, et puis voilà, j'ai. À la limite, j'ai presque pas le temps de faire une cohérence. Enfin, pour moi, j'ai des images comme ça qui me viennent, genre ça m'évoque ça, etc. Donc je me dis, bah ça peut être sympa de voilà dans un film finalement de partir dans cette direction-là, parce que c'est. Enfin ouais, je crois que j'avais vu un film avant. Ah oui, c'était Kiki et les Montparnasse que j'avais vu, je crois, à cette époque-là. Et ça m'avait marqué aussi cette variété des techniques. Et c'est que ça marchait tellement bien. Enfin, pourquoi finalement s'empêcher de faire ça alors que c'est. Ça dit plein de choses, quoi. Quand je reçois des invités, des fois comme ça, alors des jeunes étudiants en tout cas, qui sortent, des fois c'est un peu facile. On peut dire, bon, tu veux plutôt aller vers la réalisation de court-métrage, plutôt vers l'anime. Et en fait, quand on regarde, tu as fait plein d'adaptations. Donc ce clip-là, on va en parler, tu es sur, donc en sortant de l'école, donc le créadoc. Alors des choses, des fois, dans le, bien sûr, qui sont obligatoires, hein, dans le cursus scolaire, on va dire. Tu as des choses, alors. Dernier Jardin condamné, donc qui est le film des Gobelins, qui est complètement différent aussi, qui est plus une comédie. En tout cas, on est plus dans la comédie. Il y a une vraie foison de choses, je reviens là-dessus. Est-ce que toi, il y a des choses où tu te dis non, mais là, les prochaines années, je vais rentrer plutôt dans ce style-là ou dans ce style-là, ou au contraire, tu espères que tu vas avoir, bah, comme là, plein de chemins qui vont te permettre d'aller dans plein d'endroits différents? Le Dernier Jardin condamné, je le mettrai un peu à part, parce que c'est. Pour le coup, c'est vraiment un film de groupe où je me suis positionnée en tant que technicienne. Les autres films, finalement, même s'il y avait de la commande dedans, bah, ça reste des films que j'ai réalisés, en fait. Donc, en tant que réalisatrice, j'aimerais carrément, justement, avoir cette liberté de partir dans plein de choses différentes, parce que finalement, c'est. Enfin, je sais pas, je me sens pas encore comme si j'avais vraiment un style. Enfin, je suis trop jeune, j'ai l'impression, pour vraiment pouvoir dire ça, en fait, quoi. C'est drôle parce qu'il y a plein de gens à ton âge qui sont angoissés, qui se disent, faut absolument que je trouve mon style, et justement, qui presque s'enferme dans un style, ce que beaucoup de gens demandent d'ailleurs à l'extérieur, dire, ah, oh, t'as ton style, c'est très bien, je voudrais tel film comme ça, telle pub comme ça, etc. Toi, non, au contraire, tu. Parce que j'ai l'impression, de toute façon, si c'est toi qui le fais, bah forcément, ça va te ressembler. Enfin, si tu le fais sincèrement, à un moment donné, il y aura quelque chose de toi, même si c'est pas exactement le même style graphique, même si c'est pas. Le style, pour moi, j'ai l'impression que c'est plus quelque chose qui sous-tend tout ce que tu fais, mais pas forcément un truc recherché, conscient, et enfin, je sais pas. En sortant de l'école, t'es dans la troisième collection, est-ce qu'il commence à y avoir un petit peu de pression, entre guillemets, en se disant, bah, quand même, là, c'est la troisième, ça a un peu marché pour certains dans la première, deuxième, il faut absolument que je cartonne là-dedans, ou non, au contraire, il y a toujours ce plaisir aussi de se dire, On verra bien ce que ça va donner. Ah bah, alors étrangement, voilà, je suis plutôt dans cette deuxième. Ouais. parce qu'au final, alors évidemment, je me rends compte que c'est une énorme chance de pouvoir bosser dessus, etc. Mais ça reste aussi un film, comment dire, avec des contraintes qui. C'est-à-dire que c'est un poème d'Apollinaire qu'il faut qu'il soit récité. Donc pour moi, c'est aussi une commande. Enfin, je le prends aussi beaucoup comme une commande et pas seulement comme un truc personnel. Surtout que c'est pour. On en a souvent parlé ici encore récemment avec Justine Bustecker qui a fait Paris dans la deuxième collection. Mais c'est pour les enfants. Oui. Il y a un public là vraiment voulu qui est pour les enfants, ouais. Pour France Télévisions. Bah oui, c'est ça. C'est vrai que ça m'avait. Ça aussi, au début, j'avais vachement de mal à passer au-delà de ça parce que même si on est très libre, parce que ça veut. Enfin, finalement, pour les enfants, ça veut pas dire grand-chose. Enfin, ça peut. Bah, quand même, ça. Je peux pas partir dans quelque chose de très trash ou quelque chose de très. Enfin, voilà. Et c'est vrai que parfois, spontanément, c'est peut-être des choses qui me viennent plus facilement. Que de parler de quelque chose de joyeux et seulement joyeux finalement. Enfin, et ça a été super dur ouais, de trouver le ton qu'il fallait pour parler aux enfants sans être trop niais, etc. Et finalement, cette difficulté-là fait aussi que le film est pas. J'ai beaucoup bossé le scénario, rebossé le scénario avec des avis extérieurs, etc. Parce que j'avais du mal à moi-même trouver quelque chose très fort, enfin ou très très personnel dedans. Donc voilà, c'est aussi ça qui fait que j'ai un recul. C'est important la collaboration. Quand tu dis, il y a eu des personnes qui sont venues, qui me travaillent. C'est-à-dire qu'il y a certains auteurs qui sont. Voilà, faut surtout pas leur parler, faut surtout pas. Mmh. Et moi, je reste toujours persuadé que c'est l'un des problèmes, entre guillemets, qu'on a dans l'animation. C'est-à-dire le fait de se dire, en effet, je fais tout seul, alors ouais. Que c'est tellement extraordinaire, des fois, pas tout le temps, mais de travailler avec un co-scénariste, avec quelqu'un qui va faire ses décors à sa place, enfin, etc. Ça, c'est, pour toi, ça te paraît important ou de, je sais pas, pareil, d'avoir l'équilibre, d'avoir des films que tu fais toute seule en ouais. Disant je m'en fous de tout le monde et puis d'autres en disant je vais avoir d'autres personnes qui sont à côté de moi. Ouais, bah je pense que c'est vraiment ça. Enfin, la collaboration que j'ai faite, enfin une des seules que j'ai faites, c'était à l'MK du coup sur le Créadoc, ça a super bien marché parce que justement c'était complémentaire quoi. Après parfois ça marche, enfin j'ai aussi d'expérience où ça a bien moins bien marché quoi. Et où c'est et je sais aussi que par exemple bah pour mon film de fin d'études à l'MK, c'était pas tellement une collaboration, enfin c'était j'étais toute seule dessus, j'ai eu des intervenants qui m'ont des enfin j'ai eu des retours en fait, ça c'est hyper important, enfin hyper truc très très pertinent et qui m'ont vraiment fait avancer, donc ça c'est nécessaire, mais forcément être dans une collaboration systématiquement ça me paraît pas forcément le cas. Est-ce que c'est important d'avoir des retours, on parlait de spectateurs en long métrage, en court métrage encore plus compliqué parce que c'est uniquement ceux du festival. Mmh. Le film est sur Vimeo, mais bon, on sait bien qu'à part souvent les potes qui font oh, ça déchire, c'est trop bien, etc. Il n'y a pas forcément des longues critiques, on va dire, de court métrage. C'est frustrant des fois de faire un film et de se dire ben, ah, personne ne m'en parle beaucoup. Ou... Ah, bah oui, carrément, c'est très frustrant, mais après ça, bon. Bon, bah oui, c'est forcément parce que quand tu fais un film, tu t'investis dedans émotionnellement, physiquement, enfin tout quoi. Et t'es content de ton film à la fin et puis quand t'as personne qui te, enfin quand t'as aucun retour, c'est sûr que tu te sens un peu, genre, tu dis bon bah, finalement à quoi ça sert de faire des films. Non, peut-être pas à ce point, j'exagère beaucoup, mais c'est vrai que ça reste une frustration quoi. Bon. Si je dis ça, c'est qu'évidemment pour revenir, on va quasiment finir. Merci beaucoup à Émilie, on va quasiment finir. Il y a une vraie problématique du court métrage aujourd'hui. Bru fait un effort en donnant plus de séances au court métrage. Alors tu n'es pas partie de l'AFCA, mais pas forcément Bru, Clémence. Mais ça, c'est une vraie problématique, je trouve. Il y a de plus en plus de productions de courts-métrages. Les étudiants, encore une fois, Bru, cette année, ça a été, notamment, il y a plus de films d'étudiants hein, qui sont absolument partout. Et encore, enfin, voilà, c'est absolument impressionnant. Est-ce que toi, dans ta réflexion par rapport à la fête de l'anime, il y a une envie, par exemple, je sais que Marcel Jean disait qu'il aimerait bien faire une partie du festival en ligne, par exemple, proposer. Est-ce que l'idée d'avoir, par exemple, des séances en ligne qu'on paye, on n'est pas là, on n'est pas présent, et d'un seul coup de se dire, évidemment, la chronologie des médias, on en reparlera des années, mais c'est vrai, est-ce que Adama, aussi bien en salle que des fois sur Internet, en payant 5€, est-ce que justement, pour avoir une séance à 20h, là où les gens ne peuvent pas la voir en salle, est-ce qu'on va pas être obligé de tout bouleversé dans la distribution, alors aussi bien pour le court-métrage, puis c'est vrai, si t'as quelque chose à dire par rapport au long, mais déjà Clémence. Oui, parce qu'effectivement, je pense que la réponse est vraiment très différente si on parle du court-métrage ou du long-métrage. Après, là, je te donne mon avis purement personnel, ouais. Parce que ça n'engage pas l'AFCA, ni quelque institution que ce soit, mais clairement, le web, moi, je trouve que c'est une solution alternative, et non pas... quand je dis alternative, je veux dire complémentaire des festivals et des rares émissions comme Court-Circuit sur Arte qui va permettre la diffusion du court-métrage. D'autant plus que ça commence à rentrer vraiment. Enfin, on dit toujours ça commence. Je sais pas à quel moment ça a commencé. Peut-être que, en tout cas, moi j'ai cette, j'ai fait cette. Ce constat. On va vous aller travailler ensemble. Non, mais depuis quelques temps, qui est que il y a vraiment une pluralité de courts-métrages proposés sur le web et les gens sont de plus en plus ouverts. Enfin, ils ont cette consommation là. Et moi, je me rends compte que les courts-métrages, je les regarde beaucoup sur le web, notamment tous les courts-métrages qui sont proposés par l'ONF, qui a eu la très bonne idée quotidiennement de mettre en ligne des courts-métrages via leurs réseaux sociaux, via leur site officiel. Et ça permet une ouverture et des découvertes, mais vraiment incroyables, que ce soit de la prise de vue réelle ou de l'animation, peu importe. Et je pense qu'il faut vraiment en passer par là. Mais c'est vrai que là, ça va pour le coup être aux producteurs et aux distributeurs d'être dans cette démarche. C'est pas seulement au public d'aller chercher toujours ce qui est proposé. Je vais revenir. Séverine, pour le... Bon, je vais faire court. Hein. Évidemment, quand un artiste passe 5 ans à faire un film de cinéma pensé pour le grand écran avec le travail sur le son, le travail sur l'image, le travail sur la couleur, le travail sur le compositing, etc., etc., le même, entre guillemets, que sur le court-métrage, mais avec une équipe de 150 personnes et fait vraiment pour la salle. Imaginez le film même sur un écran de Mac ou PC, enfin un ordinateur. C'est très compliqué pour les auteurs quand on est en train de faire une œuvre. Maintenant, je pense que effectivement, je pense que c'est une alternative et qu'il faut y penser, parce que si effectivement on avait eu des téléchargements payants, je pense que ça peut aussi faire rebondir les gens dans les salles derrière. Et sachant que de plus en plus de gens ont des home cinéma, voilà, finalement on peut regarder aussi, hein. Ouais. Je pense que c'est, on a quasiment plus de temps, évidemment, comme d'habitude. Alors, je pense qu'on va mettre, est-ce que tu vois le titre Scanners, main title? Voilà, on le mettra vraiment une minute. De toute façon, évidemment, l'émission d'après ça sera notre générique de fin, qui sera Scanners de Cronenberg. C'est à l'époque où Archer faisait de la bonne musique, pas comme After Hours de Scorsese ou l'horrible truc là avec les Hobbits et le truc de Peter Jackson. Voilà, donc ça c'est super intéressant. Je vais dire 2-3 mots, mais on voulait dire, Céline, tu disais, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de manière assez professionnelle de la distribution. Il y a l'idée, évidemment, de, comme moi je le disais, mais c'est autre chose, de dire aussi qu'Adama était fait, comme tu l'as dit, avec beaucoup de cœur, beaucoup d'envie. Vous êtes parti à La Réunion travailler. Il y a eu vraiment une équipe qui a été soudée autour à la fois du réalisateur, de la direction artistique. Et faut pas l'oublier. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on combat non, ça, mais oui, faut pas oublier évidemment l'œuvre. Et que c'était possible. C'est-à-dire qu'on a eu une ambition qui était on fabrique, on choisit, on a une éthique. Évidemment, tout le monde est payé. Évidemment, on n'est pas en train de faire un travail bénévole. On fabrique un produit pour l'industrie. Mais tout ça peut se faire avec une humanité qui était finalement proche de tous les sujets du film qu'on avait envie de défendre et que c'était obligatoirement cohérent. Il fallait, pour nous, pour pouvoir se regarder tous les quatre dans la glace, avoir cette cohérence-là. Et puis, elle était totalement naturelle. On pouvait pas se comporter pas bien et en même temps faire un film qui dit « Soyez tous frères ». C'était compliqué. Donc, merci beaucoup, Séverine. Merci à toi, Émilie. Merci beaucoup à Clémence qui a ramené... Merci, Clémence. Tout le monde. Qui a ramené les filles. Merci, bravo pour ça. On n'a pas parlé des femmes, ça anime. C'est un vrai problème passionnant et intéressant. C'est partout, on en a parlé, hormis micro, les femmes s'animent aussi, ça marchera pas uniquement quand on représentera des femmes, il y a ça aussi, c'est quand les femmes seront payées le même prix, évidemment, que les hommes. C'est partout pareil, mais c'est pas qu'on s'en fout, c'est qu'il faut commencer déjà par l'animation, et c'est pas uniquement un problème, mais ça, on en reparlait, de représentation, même s'il est important, c'est aussi, voilà, d'avoir des salaires égaux pour les deux. Je voulais dire 2 petites choses. D'abord, on l'a dit, précipitez-vous pour aller dans les salles. Le Carrefour de l'animation, donc, et pour voir les longs métrages, on va en reparler. Le Carrefour de l'animation, c'est en décembre au Forum des Images. Il faut se battre pour le Carrefour de l'animation. Il faut se battre pour tous ces festivals. Ça peut être à chaque fois la dernière année. Donc, il faut aller en salle. Là, vous aurez en avant-première à l'ouverture de Boy and the Beast, le dernier film de Mamoru Hosoda. Et à la fin, vous aurez le film, ça y est, j'ai oublié, de Charlie Kaufman, Apocryphisia. voilà, dont Florent, dont ça y est, Francis, j'allais appeler Florence, Francis pourrait dire le nom mieux, mais voilà, de Charlie Kaufman, Acrophysia. Stoïta. Hein? Anomalisa. Anomalisa, n'importe quoi. Je dis ça. Je voulais juste te dire très très rapidement, c'est pas par rapport à The Web Anime, c'est pas par rapport, c'est pas parce que c'est mon site, c'est pas Bulle de Rêve, mais c'est vrai qu'on dit, et je me suis battu contre des gentiment grands gens du CNC cette semaine, quand on me dit, mais il y a profusion de choses sur Internet. Oui, et il y a des gens, gratuitement, moi The Web Anime très modestement, Food Anime le faisait, il y en a d'autres qui le font, Katsuka dans un style complètement différent. Et je pense que justement, c'est dommage, il y a des gens qui commencent à éditorialiser tout ça, qui essayent, et qui n'ont pas du tout de soutien. Je disais au CNC, je ne parle pas vraiment pour moi, mais même en documentaire, bien évidemment, c'est aider ces sites d'internet qui, justement, tentent d'éditorialiser, qui tentent de, dans cette folie, on va dire, d'internet, où, bah, évidemment, si vous n'êtes pas sur Facebook, si votre film n'a pas le truc du mois de je ne sais pas quoi, de Vimeo, qu'on se demande comment c'est fait, le Vimeo Staff Big à la con, ou des trucs comme ça, c'est vrai que c'est important d'avoir des sites qui, tout autant qu'ils sont présents, qui aident et qui avancent, voilà, dans cette idée de qu'est-ce qu'il faut voir, en tout cas dans le monde de l'animation. D'avoir des temps donnés. Oui. Enfin, clairement, quand tu reparles, je fais en deux secondes. Oui. Mais pour la diffusion du court-métrage, là aussi, ça peut passer par le web et ça peut passer par aussi le cadre de la fête du cinéma d'animation où pendant un mois, on se dit, on met en ligne des films, on trouve un cadre légal. Mais là, il y a un temps qui nous est donné et ça permet aussi de faire valoir ce genre de dynamique. Pareil, les gens des Césars nous disaient l'année dernière, certains n'avaient pas joué le jeu au niveau du court-métrage pour mettre les films en ligne. Il faut mettre les films en ligne. Arrêtons. C'est aussi comme ça qu'on fait découvrir les choses. Les gens connaissent pas l'animation, il faut le savoir, faut se mettre ça dans la tête. Et donc faut avancer pour leur faire découvrir un peu plus. Merci beaucoup à tous, merci à Rémi. Et dans un premier temps, aller dans les merci. Salles. Hein. Et merci. Aller dans les salles, bien évidemment, tout à fait. On va en reparler juste après. Merci Ariel, un petit coucou. Attends, voilà, à Valentine qui reviendra bientôt. Et on finit donc avec Scanners de Cronenberg. Et on peut couper quand on veut, mais en fait je suis content parce que finalement, c'est ça le problème des horloges dans notre truc, il est 18h58. Donc en fait on est super content. Je les peux... 19h là. Bon. Voilà, je peux même parler tout doucement comme ça, sans faire engueuler par Francis. 18h59, c'est bon, une minute de truc et on pourra couper quand on veut. Merci beaucoup. La prochaine émission, elle sera en direct de Montréal. Comment je me la pète. Allez, bonne soirée, à très vite, bye bye.